every herbalist. Your pussy are the best place for earth. If you're in a Miss World, you come first. You're hotter than a girl. She get mad. I'm man a push back knees. No worry. Chat to the fire more time than a cup of pottage. Cause your pussy are the best place for earth. Your pussy are the best place for earth. You come in like 30 bag of luggage, full up of money, suffering in a republic, crown and duchess. You are nobody puppet, just like electric and you're lucky. Gold standard puppet, I like Nantucket. You want me tell a lie, and you want to get the facts. You want to get the facts, you want to get a office. Plug in, log on, you see the free stamp packet. If you're not wild, et tout platine du Bifor sur Trace FM. Moi que à chaque nouvelle saison du mois que ça sent le laca, son du placard, musique de perte et de fracas. Écoute mes tracas, ma vie est sale et saccadée. Tous les jours, je pense à mon aller. M'a toujours motivé. J'ai vu que le système te tue quand il veut. Des perquisitions et des GAV. Ils viennent te soulever, à peine levé. Les gros qui brillent, les rois comme l'UV. J'en ai vu des nuits noires, des crimes jamais prouvés. Des photos, des écoutes sales, solides à mon mental. Même devant les vidanges, des bains des vieux. Les gars, ils veulent ma peau depuis après l'automne. Chanter ma voix peste. Toujours approuvé, même en ayant tout fait. Pigeot Sound, et tout. It's about that time. What time is it? Aïe, bon Dieu! Vite, on a qu'une fenêtre de tir de 30 secondes. On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti! C'est non! Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est Hugo, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. J'ai toujours rêvé de faire ça. De démarrer sur un générique de Pokémon. En plus, ce Rabissa, il est plutôt pas mal. Bonsoir, bienvenue dans la Génération 9-7. Salut. Salut Hugo. Belle bonsoir Yannick, comment ça va? Ouais, ça va plutôt bien. La journée s'est bien passée pour toi, Yosh? Ouais, ça s'est bien passé. Tikam, notre stagiaire, également derrière le standard. Deux absents à l'heure précise. Et oui, à l'heure précise, deux absents. C'est pas sérieux, ça. Keshi, comme d'habitude, évidemment. Alors Keshi, c'est un peu plus handicapant quand même, parce qu'on se retrouve avec un mec qui nous manque pour le standard. Tijo, lui, est déjà là, derrière les platines. Yes. Et puis Sabri, tiens, ce soir, il prend ses libertés, tranquille, posé, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Hein? Il est déjà dans la radio, je crois qu'il est aux toilettes. Qui se dévoue? On fait un mode 50 minutes inside. Bien que 1 minute inside, je crois que c'est déjà difficilement supportable. Mais qui veut y aller? T'as un nouveau téléphone, non, Tikam? Ouais, ouais. Alors tu donnes ton numéro de téléphone à Yoshi, on compose le numéro de téléphone. Tu vas en mission spéciale, tu vas emmerder Sabri dans les toilettes. Ok. Alors c'est le 06 90 après tu lui donnes. Allez, compose, mec. Bon, merde. Le temps que tu te mettes en place. Sabri. Le temps que tu te mettes en place, le mec a eu le temps de finir de son caca. C'était bon, Sabri? Les gars, si on peut même plus faire ses petits besoins tranquillement. Ouais, mais c'est pas à l'heure de l'émission. Voilà, quand même. Franchement, non. Il y a des trucs qui attendent pas. Désolé. Mais les gars. Une couche. Bon, remets-moi ce petit son là, s'il te plaît. Somebody say pull up. En plus, je me suis dit qu'en fait, il fallait absolument un geek aussi avec nous, tu vois, pour faire le démarrage de cette émission. Ah. Et toi, tu préfères aller faire caca. Ok. Ok, pas de problème. Ça va, Sabri? Ouais, ça va. La prochaine fois, je vous emmène tous avec moi. Non, merci. Pas de problème. De toute façon, c'est un peu comme être avec toi. On y va dans une demi-heure ou une heure, tu seras toujours un peu là. Hein. Dans l'air, en tout cas. Ça s'appelle avoir de l'aura. Keshi vient d'arriver en mode... Ouais. En mode gros cachou. Hein. Pas en mode petit cachou, en mode gros cachou. Hein. Poupoula. Bon. Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu transpires. Que tu étais à côté 15 minutes que je suis là. Mais il m'a fallu 2 minutes pour monter un escalier. Maman, tu t'es fait un truc? Tu t'es fait mal quelque part? Non, je suis juste fatigué. Donc tu es là depuis... Tu es là depuis 15 minutes, mais il t'a fallu 2 minutes pour monter. Putain, l'ascenseur, il t'empatte dans l'immeuble, ça se sent. Hein. Ouais. Le mec se retrouve donc du coup à faire 3 étages. Attends, donc un rez-de-chaussée. Ouais, 2 étages en fait, ouais. 2 étages, voilà, ça va quoi. En 2 minutes, ça va. Ouais, 18 escaliers par étage quand même. 18 escaliers. Tu les as comptés. T'es le seul à avoir compté. Mais t'as fait ton sport pour la journée. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir de la soirée? On appellera des cocoteurs tout à l'heure. Yes, la hotline du cocoteur. Ça va être très très chaud encore. On cherche les plus coquins d'entre vous qui sont inscrits sur des sites de rencontres. Et puis vous pouvez aussi nous filer des numéros de téléphone de personnes que vous voulez qu'on teste. Des gens que vous sentez un peu avec un potentiel bestial, animal, sexual. Un sexual potentiel. Vous nous donnez les numéros de téléphone, on les appelle volontiers dans la hotline des cocoteurs. Il y aura du Hey Baby Allo, Sabri, ou du chou? Tu es encore un peu ballonné? Je me tâte encore. Envoyez-moi vos numéros 0820-203-200, ou sinon vous passez directement par Facebook. Si vous voulez piéger des amis, si vous voulez que Kalash les appelle ce soir dans le Hey Baby Allo, vous nous laissez leur numéro de téléphone. Il y a des breaking news aussi ce soir, on parlera de quoi, Ness? On va parler d'Haïti, on va parler de Kid Cudi, vous connaissez? Yes. Ouais. Il paraît qu'il va pas bien en ce moment. Bah alors, il va très mal. Kid Cudi, c'est quand même le mec qui a signé la BO d'un film culte, en fait, c'est-à-dire Projet X. Ouais. Et ça, c'est la version que tu entends quand tu es dans la voiture qui est dans la piscine. Sinon, en vrai, c'est... La version THX. Non, mais attends, comment elle s'appelle encore cette chanson? C'est Pursuit of Happiness, je crois. Maman, ton anglais est exceptionnel. Je sais même pas qu'elle fait un titre à cette chanson. J'ai l'impression que tu travailles dans les magasins de disques, tu sais. Vous cherchez le titre Pursuit of Happiness. Effectivement, nous l'avons en single, en promo, sur le précédent album de Kid Cudi. C'est aussi celui qui a démarré sa carrière aux côtés de David Guetta avec... Lui, il arrive à toucher à sa mec, sa tête. Ça vous dit rien? Il avait fait un son avant ça. On comprend pas que vous ayez pas trouvé, les gars. Regarde bien, c'est parfait, c'est ce qu'on faisait. Qu'est-ce que ça peut m'énerver quand un auditeur débarque à l'antenne et qu'il connaît pas le titre d'un morceau et puis me fait « Mais oui, tu l'as passé ce matin !» Déjà, ce matin. Moi, je les force à chanter. Ouais. Quand ils chantent, vraiment, va reconnaître la chanson. Une fois, ça nous est arrivé de tout. Et tu sais que le pire, en plus, c'est que des fois, même quand la chanson est mal chantée, on la retrouve, quoi. Ouais, oui. C'est un truc de dingue. C'est l'instinct de survie. Non, mais... T'as envie de te débarrasser de la personne, tu trouves. C'est un peu ça. Bref, la génération 9-7, on est là. Il y a du cadeau aussi ce soir. Il y a des places pour aller voir la pièce, le film du Watibé, séance privée avec les forfaits SAP by SFR le 12. Donc il y a un signal. Et dès que le signal retentit, vous nous appelez. Il retentira plusieurs fois. Premier arrivé, premier servi. T'es place pour plusieurs personnes d'ailleurs. Pour y aller en groupe, histoire d'ambiancer, d'émuler. Et puis. Quoi? Émuler, du verbe émuler. Oh bon, j'ai entendu. Histoire d'ambiancer des mulets. Oui, ouais, les animaux. Dans la salle, monsieur. C'est normal. On les ambiance. On a évidemment un DJ avec nous en live ce soir. Tijo Sound. Et on va se lâcher un petit brocoli parce que c'est meilleur pour le transit, pour tout ce qui arrive derrière. Un petit légume vapeur pour démarrer. Un petit Big Baby, on revient juste après. Il y a aussi du top 5 ce soir. On reviendra également avec vous aussi, ce que vous avez à nous raconter à propos de votre life. This is your story. All about your story. This is your story. Andre Safin, baby. Ok, ce sera tout à l'heure. Et si vous avez aussi des camos, des trucs, des débats d'actualité, que ça vous concerne ou que ça vous concerne pas directement, un truc qui vous énerve, un coup de gueule à faire passer, ça se passe au 0820 203 200. Y'a pas d'intro sur ce morceau? Y'a pas un moment où le mec il fait du piano? Parce que c'est des... Mais c'est un DJ local, il a pas besoin des intros, frère. Non mais tu vois, voilà, c'est ça qui c'est très particulier. Parce qu'en fait on est toujours au stade où on arrive dans la soirée, le DJ mix déjà. Mais ouais. Mais si tu étais là depuis le premier son, tu entendrais qu'ils n'ont jamais les morceaux en intégralité. Ouais. C'est un truc de dingue quoi. Je suis sûr qu'il y a un petit coup de piano, un petit ting ting ting ting, avant que le mec fasse Attends, je vérifie, j'ai la version officielle. T'as vu? Y'a un premier coup de piano. Il s'est mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? En tout cas, c'est pas grâce à toi que Big Baby a changé de voiture. Hein. Visiblement, t'as pas payé pour acheter sa musique. Hein. Je dis ça, je dis rien. La gay. Frère, ça m'énerve trop. Arrête, laisse-le tranquille. Stop. Il faut que tu démarres le truc propre, frère. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je sens. 1, 2, 3, 4. Bien. Non. Avec l'intro c'est mieux. Yeah. Et sans un connard qui parle par dessus, ça serait encore mieux. Hello mama, would you like to be my sunshine? Nigga touch my game, we gon' turn this shit to Columbine. Ice on my neck, cost me 10 times 3. $30,000 for a nigga to get free. I just hit a meal and I spent like 10 G's. I just did a show and spent the check on my mama. When I go and vacay, I might run out the Bahamas. And I keep like 10 phones, damn, I'm really never home. Mama, would you like to be my sunshine? Nigga, touch my game, we gon' turn this shit to Columbine. Ice on my neck, cost me 10 times 3. $30,000 for a nigga to get free. I just hit Rodeo and I spent like 10 G's. I just did a show and spent the check on my mama. When I go and vacay, I might run out the Bahamas. And I keep like 10 phones, then I'm really never home. All these niggas clones, tryna copy what I'm on. Nigga, get your own, tryna pick a nigga bone. Word to brother Skip, boy, I had a good day. Metro PCS, trapping, boy, I'm making plays. 50 shades of gray, beat that pussy like Hulk Hogan. I know you know my slogan, if it ain't about Gwen, I'm gone. Niggas hating cause I'm chosen from the concrete I had rolled. Shorty staring at my necklace cause my diamonds really froze. Put that dick up in her pussy, bet she feel it in her toes. I'm a real young nigga from the 6th throwing balls. I'm a real young nigga from the 6th throwing balls. Real young nigga from the 6th throwing balls. Middle of the party, bitch, get off me. Goddamn. In the cut, I'm rolling up my broccoli. Goddamn. Yeah, I know your baby mama fond of me. Goddamn. All she wanna do is smoke that broccoli. Goddamn. Whispered in my ear, she tryna leave with me. Goddamn. Say that I can get that pussy easily. Goddamn. Say that I can hit that shit so greasily. Goddamn. I'm a dirty dog, I did it sleazily. Hey, no. Si mon avion n'est pas comme mi pacalas, tout ça, c'est tellement pas besoin de paillettes et piscasses. Avant pas qu'il faut point bénédiction. Avant pour pas plaire c'est ton beurre. Voyons dit nous nous bénis baby. Pas suffis ou pas ça. Fais-toi si ton baby nous on fait les lois. Fais-toi si ton baby tout passe ça fait pas la toile. Tu le make up, pour nous y'a pas d'heure. Ma main a la forme de gueule, la ceci on burn. Oui, I like a bird. Mon corps pas clair, c'est vrai qu'on fait peur. Mon corps pas clair, c'est vrai qu'on fait peur. C'est jamais fini, non, le repos sera pour l'enterrement. Immortel est ce putain de rituel. J'entends legalize, les suicides, les belles, ouais. Policeman, doucement, la vibe, c'est les panneaux, ouais. Post-tem, dans l'équipe des postes, ouais. Célébration champion, on est seulement 24 heures. 24 heures. 23 c'est ton bébé, nous on fait les lois. 23 c'est ton bébé, tout passe, on fait pas la toile. 23 c'est ton bébé, le monde est à moi. 23 c'est ton bébé, produit du terroir. Au fond du club, pas de dans la queue. Il est parti le make up, oh non y'a pas d'heure. Ma mère la forme de gueule, la fessie on burn. You gotta do is put your hands up and rock. Don't be scared, little mama. Dude's got you. Now they get funky. Who was the man with the plan? My boy's up on it. Nay, nay, what we called it. Y'all got love for me. Ooh, watch me, watch me. Ooh, watch me, watch me. Ooh, watch me, watch me. Ooh, watch me. Break your legs, break the knot and break your legs, break 'em. Break your legs, break the knot and break your legs, break 'em. Break your legs, break the knot. Now I'm bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. On a des petits saluts à faire sur le web. Ouais, un petit big up à Laurie qui se connecte avec nous. Il y a Ashley sur Twitter aussi, Little Mum et Célia qui sont là. Et puis, il y a Kiam de 25 ou 225, comme tu veux. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans Génération 97. On revient dans un petit instant avec du canular qui se prépare également. Watch me, can you do it? Watch me, watch me, oh, watch me, watch me, oh, watch me, watch me, oh, okay. Watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, okay, ooh. Now I'm in your, soldier. Now I'm in Superman, okay. Now I'm in your, soldier. Now I'm in Superman, okay. Now I'm in your, soldier. Now I'm in Superman, okay. Now I'm in your, soldier. Now I'm in Superman, okay. Now I'm in your, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff. Big up DJ Sauce, big bad DJ. Hatch me. Uh-oh. Hammerd. Si je sound derrière les platines et reviens avec le titre que vous réclamez, que vous voulez entendre, si t'entends pas ton titre, c'est ta faute. Hashtag G97, hashtag Trace FM. I'm a fucking black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a bitch to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it. Cross 0820 203 200. Le soir, tout est permis. Génération 97 sur Trace FM. On a du monde qui nous rejoint du côté du standard. Première auditrice de la soirée, bonsoir. Salut, salut. Oh, la radio est allumée derrière. Allô, allô, allô, allô. Bonsoir, Rosie. Bonsoir, bonsoir. Tu as 23 ans, tu nous appelles d'où? De Cayenne. D'accord, ok. Ça va, la petite? Comment? T'as pas aimé la petite? Parce qu'elle s'est dit, s'il m'appelle la petite, il va coller la petite tout à l'heure, ça me plaît pas. Tu m'entends, Rosie? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. D'accord, ok. T'es là pour du canular, il paraît. Voilà. Ok, alors il va falloir que tu m'expliques un peu. Ben, en fait, je veux faire croire à ma soeur que comme si son ex, c'est un macumet, tu vois, comme si le gars, il a double vie. Genre, il sort avec elle, mais... comme si il sort avec un gars aussi, tu vois. Ouais. Et puis... ouais, il a des tendances, enfin il a des... Non, j'ai pas l'impression que ce soit véritablement, tu sais, c'est pas son truc, Rosie. Rosie, c'est même pas un canular qu'elle vient chercher, c'est foutre la merde dans la vie de sa sœur parce qu'elle aime pas le copain de sa sœur, en fait. En fait, concrètement, c'est même pas un canular, en fait. Si tu veux, y a pas de problème, tu peux... Si tu veux vraiment l'emmerder, je veux dire, à la limite, tu peux... hacker son compte Facebook, avoir des propos djihadistes un peu trop soutenus, tu vas voir, la police va venir le chercher. Si c'est véritablement, en fait, le fait que ta sœur change de copain, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Parce que le canular, je le sens pas. Je sais pas pourquoi, la manière dont tu le présentes, c'est un peu bizarre. Tu lui en veux, tu l'aimes pas. Mais non, j'ai rien contre eux, je les adore. Non, j'ai rien contre lui, mais s'il peut mourir, ça serait cool. C'est juste pour la faire péter un câble un peu, je vais juste la surprendre, quoi. Alors, si tu l'aimes bien, et a priori, tu as rien contre lui, pourquoi on l'utilise pas aussi en tant que complice dans l'histoire? Le problème, c'est que j'ai pas son numéro, donc voilà. T'as pas le numéro du copain de ta sœur? Bah ben non, que tu veux faire avec. Que penses-tu qui va se passer dans la tête de ta sœur, en fait, lorsque on va l'appeler et on va dire, je sais pas moi, admettons, hein, Hugo se fait passer pour le mec de ton beau-frère, en fait. Toujours moi. Il le connaît. Oui, mais on sait pourquoi. T'es le plus doué en matière de comédie en ce qui concerne ce truc-là. Il y a toi et Sabri. Et Sabri, il est encore retourné faire caca. On sent que la gastro-entérite, elle frappe. Normalement, elle frappe pas deux fois au même endroit. Ah, ça, à moins qu'on ne parle de la foudre. Ça, la gastro-entérite, visiblement, elle peut taper deux fois au même endroit. Ce que je voulais te dire, c'est qu'imagine ta sœur. On l'appelle. On lui dit, ouais, ton mec, voilà, ben, je suis sorti avec, machin, etc. Il te dit pas ça. Mais en fait, ce qu'il préfère, c'est moi. Nanana, etc., etc. Ta sœur, elle va avoir quoi comme premier réflexe, d'après toi? Mais le problème, c'est que ma sœur, elle connaît bien le gars, donc je suppose qu'elle va dire, ouais, c'est pas vrai, tu vois. Ouais, mais après, elle va dire, c'est pas vrai, mais surtout, elle va l'appeler. Et quand elle va l'appeler, qu'est-ce qui va se passer? Je me mets à ta vitesse, attends. 1, 2, 3, 4. On va affiner ça, on revient avec toi, tu bouges pas. Ça y est, t'as compris, tu commences à comprendre que c'est pas une bonne idée, enfin l'angle que tu nous proposes. On creuse ça un petit peu, du canular se prépare, hashtag G97, hashtag Trace FM, on revient d'ici là, avec le breaking news. L'iPhone 16, ce mercredi 12 octobre à 16h au Rex, Trace FM et le forfait sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hey poto, elle est vraie ton histoire? La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charcon. Il dormait près du quartier. Regarde ça mon pote, lanceur des pièces. C'est marrant votre jeu, tu peux jouer? Le gros fou rire de la rentrée, en avant-première Trace FM avec le forfait sapé by SFR. Toute la semaine, guette le signal de La Pièce. Que t'en as une de pièce. Les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820 203 200 et repars avec 4 ou 6 places, ta boisson et tes pop-corn pour l'avant-première événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, au Rex, avec le forfait sapé by SFR. Forfait sapé by SFR, ça le fait. Plus d'infos, trace.fm. Trace FM. Trace FM, première émission musicale. Ouais.

cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, chiquita. Elle a passé toute la nuit à me flotter. Elle est pas dans le même dégueu, les filles d'à côté. Je la regarde dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le VIP et me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle se manque avec moi, j'ai Instagram. Je prends mon sang pour mon Facebook, comme moi j'ai pas Instagram. Elle veut me parler, me fait l'attendre la madame. J'ai rien pour toi, moi je vis toujours dans la gamme. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Elle a le regard qui tue, qui guitare. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, chiquita. Elle a le regard qui tue, qui guitare. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, chiquita. Mais où t'étais, gars? Je t'imaginais comme ça quand j'étais seul. Des fois tu me fais la gueule. Rien qu'on fait les ferreurs, rien qu'on s'engueule. Je vois plus rien devant son boule magique. Chercher un lambeau, elle me trouve beau, même quand je le suis pas. Fuis-moi, je te suis, elle, je la suis, elle me fuit pas. Elle a le regard qui tue, qui guitare. Cheveux longs comme guitare. Seul à bonne verte, toi, me canalise pas. Réalise mes négos sur canapé, pop, pop, pop, pop. Inspiré, expiré, en quelques taf, elle me fit mec. S'il est plus, m'exprime, n'est une nuit. Toi, les fous, loin, elle atténue ma vision. Rouler en deuxième n'est pas la plus sage décision. C'est moi et ma conscience, la substance en abondance. Je vois mes nègres ralentir dans le temps. Les vues des manées que je l'enveloppe dans le roi. Sans ta main nègre, elle me fait ouais, oublier des mots. Pouvez faire ça négro que baser la cesse dans l'amour. L'amour que j'ai pour cette drogue m'importe. Les vues des manées que je l'enveloppe dans le roi. Sans ta main nègre, elle me fait ouais, oublier des mots. Pouvez faire ça négro que baser la cesse dans l'amour. L'amour que j'ai pour cette drogue. Parce que toi, ça roule. En cas, feu me couche. C'est ça, on me fait. Encore feu me couche, c'est ça on me fait. Encore feu me couche, c'est ça on me fait. Encore feu me couche, qui s'abat en plein feu. Sur l'odeur de cette mer, je vois les rages, je me démarre au loin comme des jumpies. Ils sont verts de rage comme un skunky. Il faudrait que je prenne le large, donne des vesquis. Donne des vesquis, que je donne des vesquis, ouais. Génération 97. Sur Trace FM, sur Trace FM. T'es malade, Sabri? Non, ça va mieux. Ça fait deux fois que t'y vas quand même, hein. Il y a des priorités dans la vie. Il ne faut pas reporter à demain. T'es malade? Ça va. On mange trop de riz en ce moment. Non, le riz, ça. Justement, c'est l'inverse. Bah oui. Quand tu veux aller aux toilettes, il faut manger du riz. Non, c'est l'inverse. Ça permet de... Explique-nous, Nessie. Explique-nous pourquoi le docteur, lorsque t'as une diarrhée un peu aiguë, te propose de manger notamment du riz, d'éviter tout ce qui est laitage. Alors peut-être que tu fais l'inverse, parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est de prononcer encore plus la diarrhée pour perdre encore plus de kilos. Voilà, moi ce n'est pas mon but. Lui, on n'a pas les mêmes objectifs, toi et moi. Son point de rupture est déjà pas loin. Ok. Donc c'est quoi? Ton docteur te dit de manger du riz. Ma maman. Trouve le numéro de sa maman. Enfin, demande-lui carrément. Allez, on va l'appeler. Tu lui parles pas là en ce moment? Pourquoi? Fâché avec elle. Tu fâches avec elle? Elle n'aime pas ton nouveau copain? Non, c'est pas pour ça. Ça bobo de quoi? C'est une histoire, il y a un malentendu, on va dire. Un malentendu? Pourquoi? C'est à cause du coup de ceinture? Non, c'est parce que... Ah, quand tu as évoqué les corrections que quand tu étais petite? Non, c'est qu'elle m'a appelée avec, sur WhatsApp. Enfin, elle devait m'appeler. Et en fait, elle m'a appelée accidentellement par le biais de WhatsApp. Uh-huh. Et je n'entendais pas bien ce qu'elle me disait. Donc, uh-huh, je criais. Uh-huh. Et elle me dit, pourquoi tu t'énerves? Ah, les femmes. Donc, je lui dis, mais je ne m'énerve pas. Et elle me dit, je vais te rappeler quand tu seras un peu plus calme. Donc là, et là, ça t'a énervé. Et voilà. C'est ça. Donc, quand du coup, voilà. Quand une mère et sa fille ont leurs règles en même temps. C'est mignon. C'est ouais. mignon. Pas de problème. Bon, ben, on essaye. Challenge. On les réconcilie ce soir. Vu la gravité de la situation, on vous réconcilie ce soir. Allez. Tu vas pas aller te coucher en étant fâché avec ta maman. Mais tu adores ta maman, Nessie. Mais oui, je sais. Voilà. Tu sais très bien que tu n'as pas crié. C'est juste un malentendu. C'est une incompréhension. Il faut juste éclairer le truc. Mais là, c'est de ma maman. Pour une fois que tu as raison, mais profite. C'est pas arrivé souvent dans ta vie, Nessie. Voilà. Et tu sais, tu fais pire. Tu fais comme toutes les femmes. Tu commences par t'excuser en sachant pertinemment que tu as raison. Maman, excuse-moi. Machiavélisme. Bah, tu as cru que j'étais fâché, alors qu'en fait j'étais totalement détendu. Je n'attendais que ton appel, mais ça passait pas. Et tu t'es énervé sur moi. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tu m'as dit que j'étais énervé. Et plus tu me disais que j'étais énervé, plus ça m'énervait. Donc non, c'était toi qui m'énervais. Il faut pas dire. Ouais, contrarié. J'étais contrarié. Maintenant, ça m'a fait mal au cœur. On va te donner des techniques. Je pouvais pas tenir jusqu'à la fin de l'émission avant de t'appeler. Tiens, viens, on l'appelle et puis on lui fait une spéciale dédicace. C'était un truc grave à un moment, non, tu sais, genre la meuf qui fait l'aventure de Koh-Lanta. Je supporte plus ma mère. Je voudrais la nominer ce soir parce que c'est très grave ce qu'elle a fait. Elle m'a donné du riz pour que j'aille aux toilettes. Pour que j'aille aux toilettes. Quand on est constipé, on donne pas du riz aux enfants? Mais c'est non, quand c'est la diarrhée, en fait, on... Oh putain, c'est dégueulasse. Là, là, là, là. Bon appétit si vous êtes à table. Les pruneaux, tu les prends quand? Les pruneaux, ça fait aller aux toilettes. Mmh. Ok. Et le riz, en fait. Le riz, c'est censé donner une consistance, en fait, un peu particulière, de manière à ce que c'est pour éviter, justement, c'est un truc un peu solide. Voilà, c'est pour que ça soit moins liquide. Voilà. C'est ça. Plus aggloméré. Et toute ta vie, tu as fait l'inverse. Tu as pris des pruneaux. Quand t'avais la diarrhée. Messieurs. Les galères. Tu as pris du riz quand elle était constipée. Les galères. Mais je comprends pas. Moi que j'ai pas encore d'enfant parce que le pauvre. Bon. Il aurait dit à chaque fois. On a du monde du côté du standard qui nous rejoint. Qui est là? Alors, on a Cassandra et Karen. C'est pourquoi? Du big quiz qui se prépare dans un petit instant. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Et qui d'autre? Il y a Rosie aussi qui revient avec son canular. Est-ce que vous avez réussi à affiner un peu le truc? Non, on est en train de peaufiner quelque chose d'autre. Ah ouais, comment ça, quelque chose d'autre? Non, mais toi, t'étais aux toilettes, t'as pas suivi cette histoire. T'as appelé Spielberg là pour t'aider. Mais grosso modo, en fait, la meuf, elle débarque, elle dit, je veux piéger ma sœur. En appelant ma sœur, en disant à ma sœur que son copain, le copain de sa sœur. Rosie, ouais. Ouais, non, le copain de la sœur de Rosie. Voilà, ouais. Enfin bref, le copain de sa sœur. Mm-hmm. OK. Genre elle veut faire croire avec l'un d'entre nous qu'il est homosexuel et que l'un d'entre nous en fait comprend pas pourquoi il continue à avoir une femme, machin, etc. Hugo. Par exemple. Ben j'ai oui. proposé Hugo ou toi de toute façon dans le rôle. Le problème c'est que jusque là ça tenait la route, tu vois, mm-hmm. Mais le truc qui cloche, c'est c'est l'objectif, il y a pas de but, il y a pas non, même pas parce que j'ai cru qu'elle aimait pas le mec, mais en fait elle s'en fout du mec. Alors je me suis dit mais si elle s'en fout du mec, il y a pas de problème si on peut peut-être l'appeler, peut-être le mettre complice, tu vois, pour que ça prenne une dimension différente du canular. Ouais. Là, elle me dit, j'ai pas son numéro. Donc à ce moment-là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu penses que ta sœur va faire quand on l'appellera en se faisant passer pour le copain présumé de son propre mec? Elle va raccrocher le téléphone et elle va appeler son mec pour avoir des explications. C'est le premier réflexe. Donc ça va pas plus loin. Sauf que tu comprends bien que ça arrive à l'antenne. Théoriquement, Keshi aurait dû percuter depuis le moment où il est au standard. Non, mais les gars, ça fait longtemps. Vous êtes censé être au courant. En tout cas, non, il peut pas percuter sur ça. Et le pire, c'est que là, ça fait 10 minutes hein, que le gars me dit, mais je comprends pas pourquoi le pourquoi on fait pas le canular. Je comprends pas pourquoi on Qu'est-ce fait pas le canular. Les gars. Tu comprends toujours pas pourquoi on fait pas le canular. Si, ça va? Ça va? Dis-le devant les gens. S'il te plaît. Oui, c'est bon, j'ai compris. Ou pas en vibrant, en godin. Hashtag G97, hashtag Trace FM, il y a du big quiz qui se prépare, il y a également tout à l'heure du cocoteur. On va s'écouter un petit Marvin après la pluie, hashtag G97, hashtag Trace. Et puis vous débarquez également en direct au 0820 203 200. Allez Tijo, lâche-moi une petite session Zouk là. J'ai mis pour comprendre nous sommes chéris. Ou qu'à pleuver, j'ai engagé. Ou la dame, charme et douce. sèv an toujou Mi la sèv kèk et toujou Gòn mwen teng man la fye fè kon la teng Sa fè yo gòm anèk a komplesman mè kè la sèv Sè te sè pou sa fè si mè dè ki kon mè fè li mèk Lè fè an kè an fè yon pas si mèk Pou fè sa ti pou sa fè kon mè an fè tè si mèk Le dernier lycée d'Aïsian avec Kérosène. Qu'est-ce qu'il y a? Jean, lycée d'Aïsian. D'où tu dis lycée d'Aïsian? Non, non, moi j'aime bien dire lycée d'Aïsian. Certains disent Wyclef Jean, d'autres disent Wyclef Jean. C'est la même famille quoi. Mais c'est pas possible. Tu fais tout à ta sauce. C'est Moon les États-Unis quoi. C'est comme si dirait lycée d'Aïs, on n'avait pas compris qu'elle a grandi pas loin de chez nous. Laïs Anayaïs. Ça sonne bien quand même. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200. Merci d'être avec nous tous les soirs. Guadeloupe, Martinique, Guyane, un coup de gueule, un délire. Le soir, exprime-toi librement au 0820 203 200 dans Génération 97 sur Trace FM. Hashtag G97, hashtag Trace FM, il y a des breaking news qui débarquent dans un petit instant. Et puis l'appel au cocoteur. Oui, on appellera chien en chaleur tout à l'heure. Tu veux savoir à quoi ça ressemble la hotline des cocoteurs? Ah ouais, on a un petit extrait d'hier soir. Voici ce qui s'est passé hier soir. C'est les gens les plus chauds qui sont inscrits sur les sites de rencontres, on essaye de le prouver. Et c'est Hugo qui les teste. Il les chauffe jusqu'au moment où ils décident de passer à l'antenne. Et hier soir... Attends, tu vas repasser celui d'hier soir. Il est trop chaud. Attends, vas-y, j'enlève mes écouteurs, tu peux. À ne pas mettre entre toutes les oreilles. Ah ouais. Public averti, recommandé. Oui, allô. Allô, comment tu vas? Ouais, moi ça va. Si on se voit un petit peu plus tard dans la soirée, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à se caresser, t'as vu, se tripoter un peu. Après toi et moi, on fera l'amour, on prendra du plaisir. Bon, je suis black, t'as vu, assez musclé parce que je fais beaucoup de sport. T'as vu, j'ai les cheveux coupés courts. Et donc, ce soir, quand j'arrive chez toi, on fait ça sur le lit? Je pense qu'on aura, on ira sur le lit après. Parce qu'on doit, franchement, je dois te faire visiter toute la maison. Alors, il va falloir que tu passes dans la salle de bain, dans le salon, dans la cuisine et dans les trois chambres. Et après, ce sera sur la terrasse, en plein air. Oh, tu me mets dans tous mes états. Elle était bien rasée. J'ai laissé un tout petit ticket de métro, tu vois, mais ouais, sinon elle est rasée. Ah oui, j'adore. Les tickets de métro. Quand j'étais enfant, j'ai tellement pris le métro. Oh putain. Oh, je suis en train de... C'est sorti? Ouais. Sérieux? Comment vous pouvez pas? Ouais. Comment c'est possible? C'était délicieux. Un beau chouval bois qui n'attend que ton petit trou. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. On est en train de chauffer là en ce moment même un certain chien en chaleur. Et tout à l'heure, il passe en direct. Quand Hugo le trouvera prêt à passer en direct. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200. Des breaking news se préparent. Et puis, guettez bien le signal pour aller voir le film, la pièce aussi. Hashtag G97, hashtag TraceFM. On appelle en direct, c'est parti. Parce qu'il y a visiblement un petit litige. Nous avons raillé notre ami Nessie tout à l'heure à propos du fait qu'il faille manger du riz quand on a la diarrhée. Elle pense qu'on mange du riz quand on est constipé de manière à favoriser le transit. L'autre partie de l'équipe, c'est-à-dire quand même 70% en fait d'entre nous, pense qu'au contraire, le riz... Oui, bonsoir. Allô? Quoi? Oui, bouge pas deux petites secondes, j'explique la situation aux gens qui comprennent en fait pourquoi tu débarques. L'autre partie des gens en fait dans le studio sont évidemment complètement persuadés que le riz, au contraire, est utilisé pour ralentir le phénomène liquide de la diarrhée. Et là, il y a une femme, une nana, derrière son WhatsApp, qui de manière insidieuse envoie à Nessie, tu as raison. Solidarité féminine. Tu as ouais, hypocrisie féminine. Ouais, hypocrisie non, féminine. C'est sur... la solidarité, Nessie. Nous avons Teddy au téléphone. Teddy. Mmh. ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu joues sur plusieurs Merci, tableaux. Merci, Teddy. Tu joues. En fait, elle joue sur chacun des WhatsApp d'entre nous, en fait, surtout. Elle nous dit des trucs complètement différents pour essayer de nous montrer les uns contre les autres. Tu sais, exactement dans une stratégie de Koh-Lanta. Un Koh-Lanta auquel elle ne participerait pas, en plus. En plus, elle est de dehors et elle envoie des signaux de fumée. Ouais. Donc, pourquoi on aurait tort, Teddy? Tu peux nous expliquer avant qu'on te. Avant qu'on te. On t'éjecte de l'aventure. Alors, vous n'avez pas tort en réalité, mais Nessie a raison quand même. On utilise bien du riz pour favoriser le transit et donc aller faire sec. Alors, comment le riz peut en même temps favoriser le transit et en même temps durcir les selles? Parce que c'est pas le même riz. Ah! Et qu'est-ce qu'elle a dit en direct? Elle a dit quoi? Elle a dit le riz. Elle a pas précisé quel bitin de riz. Ok? Donc c'est quel riz en fait qui permet de favoriser le transit? Le riz complet. C'est le riz complet? Ouais. Ah, et toi, tu avais dit le riz complet, bien sûr. Non, j'ai dit le riz, parce que pour moi, c'est évident. Donc, le riz n'est pas un facilitateur de transit. Le riz, c'est le contraire. Le riz complet est un facilitateur de transit. C'est ça. Je dis ça. Les piments en bouillie arrêtent les problèmes de caca. D'accord, ok, c'est bien. Le réseau passe super bien pour le coup, on a tout compris de ce que t'as dit. Merci Teddy. Merci Teddy. Solidarité féminine mal placée, je te jure. Bref, hashtag G97, hashtag TraceFM, on parlera de quoi dans les Breaking News dans un petit instant? De Kid Cudi et d'une forme d'orgasme. Il y a plein de choses. On fera également le point sur la minute Johan. On reviendra sur Maman Réunion qui est devenue Super Maman Réunion. Ah, Super Maman Réunion. Super Maman. On en parle dans un petit instant dans les Breaking News d'ici et là. Et puis aussi une news foot. Il y a un truc de dingue qui s'est passé pendant le match de foot. Je vous raconte ça tout à l'heure. Restez avec nous. Tory Lanez, c'est la suite. On revient juste après. L'élection de Miss Martinique. Entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible au gémissement. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Ah, moi j'adore. Et Doggy Massage. Et Doggy Massage. Génération 97, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97, aussi dispo sur trace.fm. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. Digilife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrée. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez Digilife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Oh là là, c'est compliqué les études, les démarches, le logement et tout. Et puis c'est pas donné. Le bon plan, c'est la CAF. C'est simple et il t'aide à payer ton loyer. Si tu es étudiant en appart ou en résidence universitaire, tu peux bénéficier de l'allocation logement avec la CAF. Fais ta demande directement en ligne sur www.caf.fr. T'es sérieuse? C'est aussi simple que ça? Bien sûr, simple comme un clic. Pour ta demande d'allocation logement, c'est direct sur www.caf.fr. Et pour toutes les infos, va sur facebook.com/cafétudiant. Cette année, l'allocation logement étudiant, c'est zéro papier. Donc, 100% des matérialisé. CAF.fr, rapide, fiable, proche de vous. Tu écoutes Trace FM. Trace FM. Salut Kevin. Salut Léa. Alors, t'en es où de tes projets? Bof, rien, ça n'avance pas. Pourquoi tu ne vas pas te renseigner au RSMA? Au quoi? Au RSMA, le régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe. Ce sont 30 formations pour 30 métiers qui embauchent. Peintre, maçon, secrétaire, conducteur d'engin, agent de sécurité, mécanicien. Comme moi, tu trouveras forcément ta voie. Et ça dure longtemps? Entre 6 et 12 mois, pendant lesquels tu es logé, rémunéré. Et à l'issue, j'ai trouvé un travail. Ils m'ont même fait passer mon permis gratuitement. Ah ça, c'est cool Léa. Je sais ce qu'il me reste à faire. Vous avez entre 18 et 25 ans. Chaque mois, le RSMA recrute en Guadeloupe. Informations et contacts sur rsma.gp et les réseaux sociaux. RSMA, réussir ensemble. Festival Caribzik revient en mars à bord du MSC Poesia avec Trace. En concert, Wayne Wonder, Tania Stephens, Alison Hines, Ty, Missy Sadik et beaucoup d'autres. C'est bien vous qui faites moins vie,

What I need is someone to love me right now. It's true, I'm a freak, it's time to love you now. And if you want me, I'm falling. Everyone falls in love sometimes. I don't know about you, but it ain't a crime. If you let me love you, love you, love you, love you for a long time, baby. If you let me touch and if you let me love you till the morning, if you let me love you, if you let me touch you, if you let me love you, if you let me love you. Est-ce que t'en as une de pièce? Appelle-nous au 0820 203 200 pour l'avant-première événement de la pièce. Papa, papa, la papa. Papa, papa, la papa. Papa, papa, la papa. Papa, papa, la papa. Salut Rosie. Salut. Ça va? Ça va. Mais tu dis stop quand tu veux pour arrêter la trace roulette. Ouais, moi ça va, tranquille. On y va. D'accord. Stop. Yes, il y a des places donc pour l'avant-première de la pièce. C'est le film du Watibé, le gros fou rire de la rentrée. On va voir avec combien de places tu repars. Ouais. Reste à déterminer le nombre de personnes que tu vas mettre à l'aise autour de toi. T'es du côté de la Guyane, donc ça se passera forcément à Agora. Tu repars avec tes deux places. Tu invites la personne de ton choix. Rendez-vous le 12 octobre prochain à Agora avec cette personne. On te mettra les pop-corn à disposition. Petite séance privée autour de la sortie du film du Watibé. On te met ça de côté. Ok, Rosie. Merci. De rien. La grand bisou. Pour rire de la rentrée en avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. En même temps, Rosie est là aussi pour du canular. Normalement, ça a été affiné du côté du standard. Je dis bien normalement. Mais la finesse est cachée. Quel est le nouveau Rosie, scénario? Rosie, juste une question. Enfin, une demande, une réclamation. Est-ce que tu peux éteindre ton vibro pendant que tu nous parles? Ou alors mets-le sur un mode un peu plus discret en fait. Imagine le vibro, tu sais, il chante la Marseillaise. Maintenant, baise international avec ton vibro. Tu peux faire aussi l'hymne national des États-Unis. Ou alors, choisis l'hymne du... Le God Save the Queen. Si. Tu sais le faire ou pas? Parce que moi, je sais pas le faire. Hein. C'est quoi God Save the Queen? Chante-moi l'air. God Save the Queen. Demandez à Nessie. Bref, t'es là pour du canular. Mais moi, je sais pas. Est-ce que la cible a changé? Normalement, le canular a été affiné. Est-ce que la cible a changé? Ah oui. On piège qui? Les doudous. C'est ton doudou à toi qu'on va piéger. Oui. Ok. C'est quoi le pitch? C'est quoi l'histoire? Ben, que je suis sortie, que en fait, quand il est parti, j'étais à la maison. Donc, je suis sortie toute seule. Et là, il y a mon ex qui me fait chier. Donc, comme il aime pas mon ex, donc, je vais voir ce que ça va donner. Maman. Donc, attends, qui va jouer le rôle de l'ex en fait? Tu veux que ce soit quelqu'un du studio? Un d'entre vous. Ok, d'accord, ok. On a compris jusque-là. Alors, Keshi, tu aspires à avoir de nouvelles responsabilités dans l'émission. Oh shit! Tu as envie d'évoluer dans cette émission. Tu as envie de te détacher du standard pour voir enfin l'offrir à Yoshi. Le problème, c'est que mec, on te confie un canular à construire, ok? Et là, 45 minutes après qu'elle soit intervenue pour la première fois, elle arrive en disant « Je vais piéger mon copain et j'aime bien l'emmerder avec mon ex. » Est-ce que tu peux me donner... La justification. Dis-lui pourquoi. Ouais, un truc un peu mieux, s'il te plaît. Dis-lui pourquoi. Parce que, en fait, ce matin, dans la matinée, son copain et son ex se sont fricotés. Ah, fricotés. Ils se sont fricotés. Je me fricote avec toi. D'accord. Donc chaud, en gros, ils ont eu un bif, ils ont eu un problème. Ok, déjà ils s'entendent pas, en fait, les deux. Ouais. Donc on sait que l'ex, c'est un personnage intéressant de toute façon pour énerver le copain voilà. De Rosie. C'est l'élément déclencheur. Maintenant, on n'a toujours pas exactement le scénario. C'est quoi le plan d'attaque? Le plan d'attaque, c'est qu'elle appelle son copain pour lui dire que elle est sortie alors qu'elle n'a pas le droit de sortir. Non, elle n'a pas le droit. Je ne fais que répéter ce qu'elle m'a dit. Et ensuite, qu'elle a atterri quelque part et son ex se trouvait au même endroit. Et que son ex lui fait du rote dedans, etc. Et il récupère le téléphone de la nana. C'est envisageable. Bah, il faut bien qu'on l'envisage en même temps, c'est un canular, mec. Ouais. Sinon, on va s'emmerder. Bon, on tente le tout pour le tout, on le fait maintenant, hein, tant qu'à faire. Hein. On y va, on va composer le numéro de ton ex. Tu as choisi qui va le faire. Est-ce que moi, j'ai une voix qui ressemble à celle de ton ex? Ouais, plus ou moins, ouais, ça passe. Eh ben écoute, je me rappelle pas quand est-ce qu'on est sortis ensemble. Tu t'en souviens jamais. Tu penses pas que Hugo, ça le fait mieux? Vas-y, fais un check micro, Hugo. Salut, bonsoir. Ah, c'est quoi cette bouffe? Ah, le cocoteur sort de ce corps. Il va falloir qu'on lui file d'autres choses à faire dans l'émission parce que le mec, il commence à être emprisonné par le personnage. On dirait le mec, il a fait tous les Fast and Furious, il est le mec qui meurt chaque épisode, tu sais. Il faut que tu sortes un peu du personnage. Sabri. Salut. Ouais, oui, là, c'est bon. Ah, elle a kiffé. Incroyable. Rien que sur le salut, on a compris. Alors, il est... Je sais pas comment le décrire, en fait, ton ex, mais ton ex, il a plutôt un phrasé genre agressif. Oui, genre, il fait quoi, tout permis, voilà. La langue sale, machin, etc. Genre, il a un peu de toupet. Voilà. Oui. Ok. Bon, ça ressemble pas à Sabri. Mais Sabri, peux-tu faire la performance de comédien? Oui, je peux. Ok, j'ai confiance en toi. Sois confiance. On compose le numéro de téléphone, tu lui parles, tu lui dis j'ai un problème, je suis à un endroit où il y a mon ex et le mec veut absolument te parler. D'accord. Alors, petite parenthèse. Petite parenthèse, attends, Keshi rajoute quelque chose. Alors, comme il ne répond pas aux appels inconnus, je vais appeler avec mon téléphone et faire un double appel. C'est une manière de nous dire tu vas faire une note de frais en fait. Non, c'est gratuit. Ok, c'est gratuit. Tu en es limité? Non. Je l'offre à la radio. Je suis généreux. Par contre, ton téléphone, Rosie, c'est un vrai problème là. Le vibreur. Ouais, éloigne-toi ou alors. Ouf, je sais pas, tu es à côté d'une source électrique. Je suis pas loin de la télé. Ah ben, éloigne-toi. Bon, il y a ma série, mais bon, c'est pas très bien. Ouais, mais je suis désolé, là. On fait ton canular ou tu regardes ta série, tu choisis. Attends, j'éteins la télé. Ouais. Quand même. Putain, le respect, quoi. Y a plus de respect. C'est mieux, même pas ? Non, c'est pas mieux. Alors, je pense que c'est le téléphone qui déconne. Est-ce que tu as un téléphone fixe chez toi ? Non. Est-ce qu'il y a un autre téléphone où on peut te joindre ? Oui. Ok, il y a un autre numéro de téléphone, tu peux nous le communiquer hors antenne, s'il te plaît? Oui, normalement, c'est... Ok, on revient, le temps de t'avoir appelé sur cet autre téléphone, parce que le son est vraiment pas bon sur celui-là. Ok? Ça marche? Ok, allez, à dans un petit instant. J'espère qu'elle va vraiment se décider à éteindre ce vibro, parce que c'est un peu gênant, en fait, comme bon, situation. On revient dans un petit instant. Madagwadayana, ketchup dans les tympans. C'est Tijo, derrière les platines. 0820-203-200, également sur le net, www.trace.fm. On a du Hey Baby Allo aussi qui se prépare. On sait jamais, des fois que le canular vendu par Keshi ne soit pas ou ne soit que du rêve. Le Hey Baby, par contre, on le sent très très bien. Reste avec nous sur Trace FM. And when she see me, she says she no go. My boy, would you give me some? Shorty gave me, then she call me red-handed, sleeping with a girl next door. And when she came, she says she no go. My boy, would you give me some? Shorty wanna rock, shorty wanna Shorty said ketchup, make you give me back shot. Shorty wanna rock, shorty wanna ketchup, make you give me back a yeah. Bam bam banana, bam banana, banana, bam bam banana, bam banana, bam. Banana pam pam banana pam pam banana pam pam pam pam pam banana pam pam banana pam pam banana pam pam pam pam pam banana pam pam banana pam pam banana pam pam pam. Shorty gave me, then she call me red and miss sleeping with a girl next door. And when she see me, she say she no go. My boy, would you give me some? Shorty gave me, then she call me red. Fuck you straight, mon carache est tout bête, mon palais, ouais, t'es

de reparler de ça avec lui. Allô. Oh loulou. Alors ça a décroché, c'était sa messagerie ou c'était bien lui? Ça a décroché. Ok, on compose. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ton copain? Son nom n'est pas joignable pour le moment. Attends, on n'arrive pas à le joindre pour l'instant. Non, ce qui veut dire parce que une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux laquelle en premier? Tu veux la bonne ou la mauvaise? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que concrètement, nous, on va pouvoir passer à autre chose. C'est ça la bonne nouvelle pour toi? Ouais, pour moi, ouais. La mauvaise nouvelle pour toi, c'est que ça s'arrête là. On essaye une dernière fois, attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Parle pas d'ailleurs, parle pas, parle pas. Parle pas, parle pas. Laisse-nous nous concentrer. On est prêt. On a la philo qui dit que tu as tout simplement besoin de le quitter en fait. Son mec, ton mec. Vas-y. À jouer avec le feu comme ça. On y va. C'est parti. Dernière fois. On essaye de l'appeler par un subterfuge. On l'appelle sur un autre téléphone. Oh, putain. Je pense que ce que je retiendrai de cette séquence de canular, c'est la musique. C'est quoi le titre? J'ai pas de titre, frère. Ça s'appelle Best Inspiring Music Mix. Maman, je vais jamais réussir à taper ça. Parle pas. C'est la musique de Lassie. Non, ça passe pas. C'est gratuit cette pub là, bien sûr. Non mais il a pas dû se rendre compte en fait, il a mis en double appel. Il a mis en double appel. L'histoire impossible d'un canular qui n'a jamais abouti. Allons faire des bandes annonces, tu sais, genre découvrez au cinéma l'histoire de cet homme qui n'a jamais réussi à être joint. Il ne répondait pas aux appels masqués. Elle voulait le piéger et pourtant, la vie s'est chargée de dérouler le film autrement. Pas d'avenir. Rupture d'avenir. Pas de réseau. Rupture. Vont-ils réussir enfin à se parler? Le correspondant n'est pas joignable pour le moment. Aboutit encore une fois sur la messagerie. Découvrez My Messagerie. À Agora, Madiana, Rex et Darbo. Je veux voir ce film. On s'est payé sans toi sur la séquence. Bonne soirée, Miss. Bye bye, ça répond pas. Désolé, on réessayera une autre fois. À bientôt. Ciao. Bye. L'iPhone 7. Tu le veux? Alors rendez-vous la semaine prochaine sur Trace FM avec le Crédit Agricole et Yop Never Stop. Envie d'un forfait parfait, t'inquiète, ça va le faire avec le forfait sapé. Bye SFR, t'as un SMS illimité, une heure pour appeler, tu peux même surfer avec 500 mégaoctets. Et ouais, c'est trop beau ce contenu, en plus la promo continue. À partir de 9,99€ par mois, pendant 6 mois, plus 14,99€ par mois. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas. Eh ouais, toujours au top, toujours posé. Forfait sapé, bailler, c'est faire, ça le fait. Offre soumise à condition exceptionnellement prolongée jusqu'au 12 octobre 2016. Prix sans mobile avec engagement 24 mois. Détails et restrictions en boutique SFR. Le jeudi 13 octobre 2016, de 9h à 15h, tous au RSMA de la Martinique à Gondo pour une journée placée sous le signe de l'emploi et de la réussite. Que vous soyez un professionnel en recherche de salariés ou un jeune en quête d'emploi ou d'une formation, c'est votre journée pour décrocher un job ou un nouveau collaborateur. N'oubliez pas, le jeudi 13 octobre de 9h à 15h, job dating des entreprises, visite de nos 27 filières professionnelles. Le temps d'une journée, le RSMA devient le carrefour de votre réussite. Infoline et inscription au 05 96 425 621 ou rendez-vous sur notre site rsma-martinique.org. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air tout triste. Mais non, c'est juste que le père de Zoé a eu un smartphone offert en prenant la formule Gold de SFR. Et je l'ai su trop tard. Et ça irait mieux si je te disais que SFR prolonge son offre? C'est vrai? Oui, et encore mieux. Cette fois, tu choisis ton smartphone offert. Soit le Samsung Galaxy J3, soit le Sony Xperia E5. Ah! Offre soumise à conditions exceptionnellement prolongée jusqu'au 12 octobre en portabilité vers un forfait carré H24 ou Travel. Engagement 24 mois dans la limite des stocks disponibles. Kit main libre recommandé, détail en boutique. SFR présente un compte et une carte bancaire pour tous. J'ouvre un compte de façon simple, sans condition de revenu. J'ai une carte Visa internationale pour payer et retirer des espèces où je veux. J'ai un RIB pour tous mes virements et prélèvements. Un compte et une carte à partir de 3,50€ par mois en boutique SFR. En ce moment, profitez de 2 mois gratuits. Offre soumise à conditions et accord d'OPS du 3 au 31 octobre. Frais applicables pour soldes insuffisants et services non inclus. Retrait et paiement soumis à plafond. Détails et restrictions sur sfr-ops.fr. I'm sorry. Mister SM, en sonnerie exclusive sur ton phone. C'est maintenant et c'est direct sur ton mobile. Envoie Mister par SMS au 98000 et télécharge la sonnerie, l'alerte SMS ou le réveil. Mister au 98000. Service édité par Access Interactive. 1,50€ plus coût du SMS. 2 SMS max. Génération 97. Le soir, y'a pas de limite, y'a pas de limite. 0820 203 200, Mada, Wada, Yana, vous n'avez plus le choix. Dada, t'es sur trace FM. Je suis la seule à vivre notre amour. Et toi, tu ne le vois pas. Je suis fatiguée d'être ta roue de secours. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu m'appelles que pour faire l'amour. Je suis pas une dingue déjà. Si je pars, je ne plus demi-tour. Alors s'il te plaît, dis-moi. C'est déjà moi qui va mourir. Et pourtant c'est moi où l'est. Moi ni l'amour m'a la douée. Ou qu'a flairé, yo qu'a dit c'est moi qui m'en vais. Sont ces moments où j'ai des tableaux magiques. Je perds mon cœur sans toi, moi. J'ai tout misé sur toi, moi. En mode saoulé quand tu fais le MG. Mais me respecter, c'est te respecter. Mon cœur se bat dans tous les sens. Si le tien est en guerre, on n'a aucune chance. No matter to me, she said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, na boule. You know I love them. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. Comme y a des siwaw on les prend sommeil. J'en la vie coûte si vine bout dans ciel. Sous qui qui dernier rayon de soleil. Si on joue nous fin devant l'hôtel. Pour feyon devant l'éternel. Et tu m'en montes tes temps ma gueule français. Ou moins love ou qu'à bon moins zèle. Moins love. Moins love, moins love. Qu'est-ce que tu consigues le moins love vous passe moins love. Moins love, moins love. Qu'elle en gâte senti moins love vous. Moins vite, c'est ni des pensées qui pas permis. Où ça, ça, j'arrive à tout nom qui nomme. So my lady, don't judge me. Mais car où ça, ça, c'est où qui nomme. Long time, car on paraît pas sur ton déguil à mon cabaye. M'obligé prendre big distance, qu'il y ait. Depuis ton qui m'ont là-bas, tout j'ai la yo, ça fait en plus. Moi j'ai compris tout ce qu'il a gardé aux alentours. Bridge, il m'a fait qu'il a crié. Moi j'ai compris tout la boss. Gardé tout a fait qu'il a moto. Moi j'ai compris tout ce qu'il a gardé aux alentours. Bridge, il m'a fait qu'il a crié. Moi j'ai compris tout en cela. Gardé tout a fait qu'il a. Get a youth by mélanger que yo pièce dans mon coco ma chasse ma dame. Bah you mon love not to hide not to mask qui moun qui la non a dem. Y'a y'a qui hip hop fini hip hop fini. Mais pas d'agad sabe qui moun qui ka béni ka no fa dem. Combien fait que les tons mourir du vol a dem. Just a mille mi se fi don't just friend. Priez bon j'ai mot to you trop bad mind them. En plus ce caline to enemy malgré to ex gal dem. Mais moi kapas déjà dit moi y'a tout qu'elle ouais tout d'elle faut pas. Chance man dit, ouais t'as fait place man, a real general, pas qu'à mourir devant yo que c'est pris. Gaïana man, mais ça brûle connaître, ton endroit qui m'aura travaillé en plus. Y'a des youth pas mélangé que yo. Génération 97. Génération 97. Génération 97. Le soir, pendant 3 heures, prends le pouvoir sur Trace FM. Tu vas refaire tous les jingles comme ça toute ta life. Ladies and gentlemen, breaking news. Donc on va parler du rappeur Kid Cudi. Il est dépressif et suicidaire. Il s'est confié sur son état mental très longuement sur sa page Facebook. Alors il dit, c'est difficile pour moi de trouver les mots pour vous dire ce que je suis sur le point de partager avec vous, car j'ai honte. Et il poursuit en disant qu'il est entré dans un centre de désintoxication pour dépression et pulsion suicidaire, et il dit ne pas être en paix et ne jamais l'avoir été d'ailleurs. C'est quand même le même mec qui a signé la bande originale du film Projet X quoi. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Mais qu'est-ce qui va pas dans sa vie? Je suis sûr qu'il a tout. Je suis sûr qu'il a une belle femme, il a un compte en banque. Ah, tu sais jamais. Il manque de toi, il lui manque de toi, Nessie. Ah, c'est ça. Je viens, j'arrive. Tu voles? Quoi d'autre dans les breaking news? Bon, on va parler de l'orgasme culinaire. Ça existerait vraiment? Ce serait une manifestation physiologique qui procurerait en fait un état d'excitation proche de l'extase. Manger peut faire jouir, en fait. Oui. suite à la consommation d'aliments particuliers, en fait, ça a été défini par une équipe de chercheurs. Parfois, tu peux manger, tu peux ressentir un orgasme très fort. Un orgasme culinaire. Les femmes ou... Pas culinaire. Les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes. D'accord. Ça t'est jamais arrivé? Ah, c'est un plaisir quand même de bouffer. Franchement, honnêtement, je vous pose la question là. Sincèrement, le truc que vous aimez le plus bouffer de toute votre vie, c'est le truc qui vous procure vraiment un plaisir. Je suis sûr qu'il y en a un. Le quoi? D'un chips. Il y a mieux que ça encore. Hein. Des nuggets. D'un toi, chips. Les nuggets, ça te suffit à... Mais ça va pas, par contre, me faire jouir, quoi. Me donner un orgasme. Ça dépend quand tu fais avec les nuggets. C'est une image. C'est-à-dire que quelque part, en fait, tu prends tellement de plaisir que c'est intense, en fait. Moi, par exemple, j'avoue que le Colombo de ma grand-mère... Ah, c'est bon, le Colombo. Attention. Tika m'a déjà goûté le Colombo de ma grand-mère. Alors... Le Colombo de ta grand-mère. Il n'y en a pas deux comme ça. Le Colombo de ta grand-mère. Arrête tes conneries. Quoi, on parle de bouffe, les gars, c'est quoi le truc que toi qui te fait kiffer? J'aime beaucoup les lasagnes de ma mère. Les lasagnes de ta mère. Je fais les pâtes fraîches. Les pâtes fraîches de ta mère. J'aime le chocolat. Le chocolat de ta mère. Chocolat, maman. Lasagne à maman. La chaudeau, maman. J'ai découvert la glace au Nutella. Glace, maman. Au Nutella. Oh là là, c'est glace Nutella, maman. T'as des trucs, toi, qui te font kiffer vraiment tellement... Enfin, limite, c'est orgasmique, en fait, quand tu manges. Moi, c'est les pâtes carbo, frère. Quelles que soient les pâtes carbo, où il y a un endroit particulier, où il y a quelqu'un particulièrement qui les fait, qui te font kiffer, en fait. Non, quelles que soient, ça m'arrive des fois de manger une semaine des pâtes carbo. Carbonisées, tu les fais toute seule. Non, carbonara, en fait. Ça te dégoûte pas pendant une semaine comme ça, la crème fraîche et tout? Midi et soir, et rebelote le lendemain, ça me dérange. Même au petit déjeuner. Ça m'arrive, au petit déjeuner aussi. Est-ce que ça te semble un petit peu moins saugrenu, quand même? Réfléchis. Un truc qui te fait kiffer dans la bouffe. Toi qui aimes les barres chocolatées. Ouais, alors lui, c'est vrai que il essaye de devenir Vin Diesel. Bon, c'est bien parti. En fait, il a aujourd'hui Il a aujourd'hui une cuisse qui fait la taille du bras de Vin Diesel. Il ne se nourrit que de barres de chocolat. Mais c'est parce que le rêve de Hugo, c'est de devenir en fait un mec un peu musclore, tu vois, de se renforcer physiquement. Tu manges essentiellement des barres chocolatées, mais quand tu sors des barres protéinées, tu sors un petit peu de ce régime, il y a un truc qui te fait kiffer. Toi d'ailleurs, je pense même que limite, ça me fait penser au mec qui a pas eu de sexe depuis très très longtemps, qui regarde une scène de Titanic et « Oh merde, j'ai trempé mon pantalon !» Aïe. Tu sais, parce qu'en fait, il est tellement en train de bouffer des trucs protéinés en permanence pour prendre du volume, qu'en fait, dès qu'il touche même un truc... Un vrai repas. Le gars, tu lui donnes un kiri. Tu sais, genre, mais tu lui donnes un kiri, le garde pas dans ta main. Jette-le, parce que sinon il va te mordre. Un petit morceau de jambon, il s'est. Y a pas un truc en termes de bouffe qui te fasse kiffer? Bah, il y a plein de trucs. Alors? Bah, nuggets, pizza, crumble, muffins. La malbouffe, quoi. Ouais, un bon plat raffiné. Ah, les sushis. Ah, ouais, les sushis. Ah d'accord. Ouais. C'est quoi ton truc, toi, Keshi? 8 kilos de côte de bœuf. Non. Déjà, poulet, je suis plutôt viande blanche. C'est vrai, viande blanche. Ah ouais. Alors le truc qui me fait c'est bien, t'es pas raciste. Ce qui est con, en fait, c'est les grillades. Les grillades, ouais. Dès que c'est grillé, c'est bon. Ouais. Les gars, moi j'ai fait une expérience culinaire dernièrement et je pensais pas que j'allais kiffer. On m'a donné des couilles de bœuf à manger. Qui a c'est mis bon, à manger? Ah, t'as mangé bon, ça. Et Tikam était avec moi ce soir. C'est super bon. Alors, oui, non mais c'est spécial. Disons que c'est bon au niveau du goût, mais quand tu sais que c'est des testicules de bœuf, c'est gênant. Déjà rien que pour l'esprit. Et puis c'est surtout quand tu vois la petite peau avec les poils qui restent. Les poils qui restent sur les couilles de bœuf. Non, c'est trop gênant. Mais généralement, ça, on l'enlève. Oui, normalement, on l'enlève. Quand tu le prépares. Théoriquement, il n'y a plus de poils. Hein. Ouais, le bœuf est épilé. Hein, quand il... Je connaissais les poils pour non, toi. Mais alors, blague à part, j'ai trouvé ça très bon. Et je me dis que souvent, en fait, la bouffe, c'est une question d'assaisonnement. Parce qu'il y a des trucs que je mangerai jamais. Tu vois. Les cuisses de grenouille, c'est super bon aussi. Ah ben moi, j'ai trouvé ça bon. Ouais. Ah, c'est bon. J'ai trouvé ça pas mal. Par contre, j'avoue. Les cuisses de sauterelle, vous avez déjà mangé? Non. Il paraît que ça a le goût de la fondette. Vous m'avez fait manger une fois à mon anniversaire des insectes. C'était des asticots. Termites, je sais plus quoi là. C'était très bon. C'est vrai. J'ai passé un très bon moment. j'ai pas kiffé au point. Il y a pas de réel goût non plus, ça passe. Non, mais il y a des trucs. En Thaïlande, ils mangent ça. Hein. Ben pour moi, c'est une question d'assaisonnement. Tu vois, il y a des gens qui prennent du temps. Aujourd'hui, on prend de moins en moins de temps en fait à faire la bouffe. Donc ça va très très vite. C'est un steak, deux pâtes, machin, etc. Ça va super super vite. Il y a des gens qui adorent les plats cuisinés. Sauf que quand tu prends le temps ou quelqu'un prend le temps de cuisiner pour toi, c'est vrai. Moi, je comprends ce que dit Nessie. Ça peut devenir orgasmique, quoi. Ça peut clairement devenir orgasmique. Bon, hey, le DJ, c'est quoi ton plat, toi? Non, attention, le gars prend le temps de s'installer parce que c'est pas un truc de 30 secondes. Hein. Non, moi, c'est pas grand-chose. Moi, c'est la côte de porc de ma maman, frère. La côte de porc de ta maman. Côte de porc, maman. Non, mais le truc, il est un peu mou dans des endroits, frère. Ah c'est oui gris, tu vois. Oh, bien grillé. Et non, réel. En fait, moi, je suis plutôt grillade, mais côte de porc, frère, si t'avais une côte de porc dans ta grillade, c'est même pas la peine de m'appeler. On a la philo qui envoie, j'adore le tina avec queue de cochon. Le tina, c'est poyo, c'est ça? Ouais. C'est, et aussi avec une femme, déjà avec un homme, le challenge. J'ai pas compris. Non, il doit parler du canular rouge. Ok, d'accord. Le chocolat au lait aux noisettes me fait kiffer. Magical Chris qui dit ça. Aïe, c'est bon. Sinon, il y a aussi le chatrou de ma grand-mère. Chatrou, maman. Ah ouais, chatrou, maman, il était bon. Ah ouais, ouais, il était bon même, il était bon même. Maman, quitte un maman au café, on chatrou, bon nous, là. Pour nous manger grassement, chatrou, maman. Non, maman, chatrou, grand maman. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, moi, j'y crois. Je pense que la bouffe peut être un des plaisirs également de notre monde. On vous pose la question, hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820, 203-200, le plat qui vous fait kiffer au-dessus de tout. Ça peut être un truc très très simple, hein. On a entendu pas de carbo pour certains, c'est vraiment pas le plat le plus compliqué. À faire Tijo, tu voulais rajouter un truc? Ouais, il y a le saumon aussi. Ah, c'est bon, oui. Ah, tu aimes le saumon, quel que soit son état? Tu mets du citron dessus, maman, ça fait. Le lambi, putain, le lambi. Ah oui, j'aime ça. Lambi, je suis allergique, hein, mais lambi. Et il y a aucune de vos mamans qui fait du lambi? Non. Si. Non. Non. Si, maman. Non. Ta maman? Oui. Et ma belle-mère. Qui t'a un maman qui a fait lambi, maman? Ma belle-mère m'a fait découvrir les oursins. C'est une spécialité. Alors de la moi, Martinique. Je suis pas super méga fan. Non, je suis pas spécialement Martinique. Tu peux en bouffer non, aussi mais en Guadeloupe. En Guadeloupe, on n'est pas aussi à fond sur les oursins. J'avoue. Alors que. Alors, c'est pas exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a quelqu'un qui m'en a fait goûter des acras d'oursin. C'est très frais, quand même. Mmh. Le goût est très, très frais. Par contre, l'oursin. C'est bon. Il y a des gens qui le mangent juste en l'ayant récupéré. Tu vois, ils l'ouvrent et tout, ils mettent un peu de citron dedans. Ouais, et... J'ai vu les gens faire ça à la plage. Je suis pas fan non plus. Hein. Mais moi, ils ont pas de citron, ils ont même pas sorti de l'eau. Là. Ils sont encore dans l'eau, ils ont ouvert la bête, machin. Mais le truc est déjà assaisonné salé. Voilà, hashtag G97, hashtag TraceFM. On vous pose la question également, vous sur le web, c'est quoi le plat qui vous fait péter un plomb? On cherche le plat orgasmique. Hashtag G97, on a du monde qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir, Trace qui est là. Allô, allô. François. Salut François. Tu nous appelles de Cayenne, François, t'as 21 ans. Alors, c'est quoi le plat qui te fait péter un plomb, mec? Moi, c'est pas un plat. Moi, c'est plutôt une gâterie, tu vois. Ça commence bien. Voilà. Alors moi, j'adore le caca bœuf. Ça vient de Marie Galante. C'est quoi le caca bœuf? J'adore ça. Ça fait... Chaque année, en fait, je viens à Marie Galante, frangin. Chaque année, j'ai jamais mangé du caca bœuf. Chaque année, je viens pour le festival de terre de blues, mec. Pas la forme du caca bœuf, mais il y a le sirop d'érable dedans. C'est tellement bon et tu prends ton pied. Mais alors attends, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme base dedans? C'est quoi? C'est un dessert? C'est quoi? Voilà, c'est un dessert à la base et il y a du sirop d'érable dedans. Avec des fois, tu peux avoir du caramel dedans. C'est tellement bon, c'est fait à base de farine de manioc. Mais ça a la forme du caca bœuf et la couleur. Okay. Ah ouais, faut être motive quoi. Voilà. Alors moi j'ai jamais goûté, je connais pas, donc c'est un dessert. Les desserts sont les bienvenus aussi. Hein. Faut, Franchement, c'est bon, hein. C'est super bon. Il y a aussi ce que j'adore aussi, le chaudo. C'est tellement bon. Ah oui, ah, j'aime pas ça. Alors, moi, je suis pas super fan du chaudo parce que je trouve qu'en fait. Il y a trop de lait. Non, mais ça dépend surtout comment la personne le fabrique. Parce que le chaudo, en fait, je trouve que des fois, ça a une petite odeur de frais à cause des œufs que j'aime pas trop. En fait, ou à cause du lait, ou à cause des œufs, je sais pas. Et ça dépend. Faut vraiment que la personne maîtrise le truc, quoi. Voilà, tout à fait. Donc caca bœuf, toi, de toute façon, on te retrouve au rayon dessert, quoi, au rayon sucré. Voilà. Après, moi, je suis très pâte carbonara. Ouais. C'est super bon aussi, j'adore. Et aussi du poisson, mais c'est rare. On a Célia qui dit. Mais quand je mange du poisson, c'est franchement, faut que ça soit spécial, faut que ça soit. Alors moi, je suis un grand fan du poisson cru. Ça choque peut-être certaines personnes, mais j'adore le tartare de poisson ou le poisson à la tahitienne. Tu vois, c'est avec beaucoup de morceaux de piment, d'oignon. Moi, je suis très très fan du poisson cru. Tu vois, mais c'est pas tout le monde. Par exemple, il y a Célia qui dit moi, je suis ni dessert ni plat, mais finalement, le gratin de banane, c'est quoi? Le gratin de banane, c'est vrai que c'est un peu sucré, mais c'est vrai que c'est un accompagnement, le gratin de banane. Donc Célia, elle est bien fan du gratin de banane. On a Wendy qui envoie j'aime les lasagnes. Maman, un cas décalé. Et puis on a Magical Chris également qui dit je ne pourrais pas manger un truc qui s'appelle caca bœuf, les gars, désolé, surtout si en plus la couleur ressemble au vrai. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On a Choupinette qui partage le gâteau au chocolat, votre truc qui vous fait kiffer. Parce que la bouffe, ça peut être aussi un moyen de prendre beaucoup de plaisir dans la vie. 0820 200 300, que ce soit simple, que ce soit compliqué, peu importe. Vous débarquez au 0820 200 300. Tu es où, François? Oui, je suis à Cayenne. Ok, tu bouges pas, tu raccroches pas, on va te mettre des invitations de côté. Également, pour faire un petit tour au cinéma avec la personne de ton choix. Le mec, il est à Cayenne. D'accord. Quand même, mais lui, il nous cite une spécialité de Marie-Galante, quoi. Ça se trouve, on t'a couillonné en tant que touriste, hein. On t'a dit, mais oui, tu peux manger. C'est du caca bœuf. Non, c'est pas... Non, en fait, c'est pas en tant que touriste, vu que j'ai une mère guyanaise et un père guadeloupéen, donc... D'accord. Okay. Donc je connais bien la Guadeloupe. Mais tu sais comment ça se passe, comment les gens sont méchants, mec. Les gens sont méchants, ils disent gars blanc là, alors que ou pas blanc, hein. Mais genre tu es le touriste, tu vois. Genre tu es le touriste, tu arrives à Marie-Galante, machin, etc. Bon, alors, t'as nos péfets. Non, mais franchement, je te conseille vraiment de faire un petit tour là-bas. Alors moi, je m'en veux du coup parce que je connais Marie-Galante. Honnêtement, un gros big up à Lilian Lécouze, à tous ceux que je connais à Marie-Galante, parce que j'y vais chaque année pour le festival Terre de Blues. Je te promets, mais je n'ai jamais mangé le caca bœuf. Ah ben faudrait essayer puisque ton palais va être irradié. Voilà. J'ai pas les mots, tellement c'est bon. D'accord, ok, ça marche. Après moi, perso, pour être honnête avec toi, je suis moins sucré, je préfère le salé. Si qui que ce soit dans le studio a une blague à propos du fait que je préfère le salé, qu'il ferme sa gueule et se taise à jamais, ok? Je préfère le salé, un point c'est tout. François, bouge pas, on va te mettre des invitations de côté, tu bouges pas, tu raccroches pas. 0820 200 300, tout à l'heure, il y a le Hey Baby Allo. Allo. Oui. Pardon, Hamdoula. C'est qui? Moi. Moi, c'est qui? C'est qui? C'est pas moi. À quoi que maman, c'est qui mon? Oui, parce que tu m'as dérangé là, fais vite, c'est qui? Sous comment? Eh ben, mon cadeau, à quoi que maman? Génération 9, Génération 7, pendant 3 heures, c'est nos limites, zéro censure. Génération 9-7. Ça, c'était l'appel d'hier soir. On appelle en direct dans un petit instant pour le Hey Baby Allo. D'ici là, DJ Tijo prend la suite et vous balancez votre plat préféré, le truc qui est limite orgasmique lorsque vous passez à table. Hashtag G97, hashtag Trace FM, à tout de suite. Trace FM. Trace FM, première World Creole Music Festival revient avec Trace et Guadeloupe Première. La culture caribéenne vous donne rendez-vous du 28 au 30 octobre pour la 19e édition du Festival de la Dominique avec Econ, Popcorn, Wyclef Jean, Ophelia Chabanton, Morgan Heritage,

look good, that we tell you no nice. Me have to talk it twice, tell you no sweet. As I look good, that we tell you no nice. Me have to talk it twice. 1, 2, 3 and Tilulu. 4, 5, 6 and Tilulu. 7, 8, 9 and Tilulu. Tell you no sweet. Because I look good, that we tell you no nice. Can it on the pony printer? You remember the other day when me see you on the street? As you walk past, let me ask you for me. You remember the other day when me see you on the street? By far, girl, you're in the front of the car. That's why you meet her, she want me war. By far, you and the man no stop spar. That's why you meet her, she want me war. On the by back, you and the man no stop spar. That's why you meet her, she want me war. Buy you a house, that mean you gone far. That mean you end up with a superstar. So, girl, you know you put the printer. I need the girl in the body rider. By far, girl, you know the put the printer. Full of peer makeup when she walk on street. I would have a man big demo. Big up, big up. Got your fat on your bub, got your fat on your bub. Expensive and a rubber, put you on and out here and just big up. Got if your fat on your bub, I know you come, but put you on and out here and just big up. Got if your fat on your bub, another virgin, bluff and put you on and out here and just big up. Got if your fat on your bub, I would have a put you on and out here and just big up. Sim, Sima, who got the keys to my bima? Who am I? The girls and sugar. Pass me the keys to my truck. Who am I? The girls them lock. And I we make love to precious stuff. You with a buck, I get ready if like a bucket. Drop in your niggle like your niggle plastic it. Drop the oxen like a club, you wanna chop it. Drop the oxen like a rum, you wanna take it. It's like a riverside up on the bank and you take it. It's like a bicycle so you see. Generation 97. You catch it, say you tell you, say you grab it. Girl, she a beg, you wanna ball, get me stop it. Batman plug in and me a move like a electric. It's like a bomb, she take down out. With the man, my man who that a call. With the man, who don't think me did done. With the man, my man who that a call. With the man, who don't think me did done. Me come fit and up, say DJ Gwang, go sit down. Me come fit and up, tell them fi pack up and run. Me come fit and up, DJ Gwang, go sit down. Me come fit and up, tell them fi pack up and run. Now, put up and try come off of the right. They have two stick out and they might. Admiral, come off of the left before me use the bomber and box it to the death. He's a grinds man, him a send threat. Me electric chain, me go shock him to death. Wait the man, and who that a come? Wait the man, who no think me did done. Wait the man, and who that a come? Wait the man, who no think me did done. Both of them a pose and I say them a done. Only than me know are the one skeng man. That dead and man him run the island. No. Go put in your brief in front of your man. Wait the man. I who that a come. Wait the man. Gonna think me did done. Wait the man. Oh no. Your girl tell me say you can't even spend 5 minutes. And she tell me say she fed up car your watch list. And she tell me say a whole heap of time you flop. And your fine excuse but muscle contract. She tell me say you're weak and related to sleep. And when she want to eat you a fat every sheet. Marathon for run she get hot like the sun. And ready for your fun but you pop back and down. Ride a murder. You must want the DJ chat for a date. I'm gonna see your body ride a murder. You must want the DJ chat for that bitch up on your saddle, ride up on your back, exposing your property. Man, I say fat merchandise. Every day they never run out of stuff. Full of shape like a coke bottle. Me tout it up, things that go off in your body. Trust me, panda too. Half fruit rhymes. So make them go and chat. What am I do? What am I try? Who them I try? Stop some body rider. How we get your half in and that's on me for. I'm gonna see your body ride a murder. Girl, I'm the ship in the place. Downtown girl, I'm the ship in the place. London girl, I'm the ship in the place. New York girl, I'm the ship in the place. Canadian girl and the shape. A dem a the shape and a give man headache. A dem a the shape make man body shake. A dem a fling beat stone and bust up man face. A dem a the shape cause war in a the place. A dusty Coca-Cola back a shape a hit around the place. Broke out girl and you have the shape. Coca-Cola back a shape a hit around the place. Skin out girl and you have the shape. When dem a walk it's like a earthquake. When dem a run the whole place it a shake. Then get so much shape from God he knows. But them look good when them put on them clothes. Man no stop call to them on the road. Got the girl them, at them up the road. Code a dusty Coca-Cola back a shape a hit around the place. Broke out girl and you have the shape. Coca-Cola back a shape a hit around the place. Skin out girl and you have the shape. When you see them I say you can't underrate. You have to go up to them and congratulate. Them a fling big stone and bust up man face. Jamaican girl them full up a shape. And when me see them God know me can't wait. Me have to go up to them and congratulate. A dusty Coca-Cola back a shape a hit around the place. Look out girl and you have the shape. Coca-Cola back a shape a hit around the place. Skin out girl and you have the shape. Wine for your mate, she nah no shape. Wine for your mate, she shape like a ape. Wine for your mate, she do have no face. Wine for your mate, she do have no taste. But the body where you have girl and it run the place. 24-7 and 44-8. When the man buy back and put up a him gate. A dusty Coca-Cola back a shape a hit around the place. Broke out girl and you have the shape. Coca-Cola back a shape a hit around the place. Génération 97 dans les tampons, on revient dans un petit instant avec du Hey Baby Allo. Il y a la hotline du cocoteur aussi. Ouais, chien en chaleur, on va l'appeler tout à l'heure. Il est inscrit sur un site de rencontre. On le chauffe jusqu'au moment où on l'estime assez cuit pour passer à l'antenne. Stop playing with my mind. Oh, I know he not true, when she will want the wine. You call me on the phone. I know what a talking angel come down. And now I want you home. I can jacket, I mean I use no stone. Action. I need some action, tender satisfaction. My chemistry is flowing. Can you cause a chain reaction? Bedroom bully, she know what that you know. She wants a man to caress her up like so. And I make love to woman like I want them ago. Woman a ball in a agony, I all out. Génération 97 sur Trace FM. Vous avez total contrôle sur la prog, hashtag G97 et @TraceFM sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat également, avec notre compte TraceFM 97. On se prépare à l'appel du cocoteur, mais là on passe en mode Hey baby, allô. J'espère que je vous dérange. Hey baby, allô, c'est Kalash qui piège dans la Trace Radio. On piège qui ce soir? On piège Laurence. Autant que les gens s'y À la demande de Gérald, on s'excuse d'avance. Pardon, Hamdoula. On est tellement désolé. Je suis tellement désolé. Mais on kiffe ça, hein, hein. On kiffe ça, hein. On compose le numéro de téléphone, on revient dans un petit instant également avec la Yoshistrophe. De quoi tu nous parleras dans la Yoshistrophe, hein? Eh ben, encore de problèmes de couple. Rien qui ça. Ouais. Alors que tu n'es pas en couple. Tu veux pas rester célibataire un petit moment? Je veux bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelle catastrophe? C'est quoi l'histoire? Ben, l'histoire en fait, c'est que la meilleure amie donc de ma copine, sait que ça ne va plus dans mon couple. Sont-tu en couple en vrai? Ben oui. Et par rapport à ça, en fait, elle me fait des avances. Et elle commence à vraiment être persévérante dans ses avances. Alors, tu la coquines quoi? Est-ce qu'elle est plus jolie que ta copine? Je vais pas dire qu'elle est plus jolie, mais... Attention, tu t'apprêtes à mentir. Elle a des arguments. Elle a des arguments. Elle a surtout la fraîcheur que tu n'as plus avec ta copine. Parce que si ça dégénère votre relation avec ta copine, c'est que forcément, t'as envie de passer à autre chose. Ouais. Tu as envie d'aller goûter son herbe. C'est quoi ta question? Eh ben, ma question, en fait, c'est est-ce que je dois... Tu sais, Yoshi, c'est vraiment le seul mec dans la radio qui remet sa vie entre la main des auditeurs. C'est-à-dire que chacun de nous, tu sais, on se dit, mais non, on va pas leur demander ça. Mais non. Lui, par contre, il vit sa vie en fonction de ce que vous leur dites. Il est tellement désemparé. De ce que vous lui dites, pardon. C'est quoi ta question alors? Ma question, ce serait de savoir déjà, est-ce que je dois céder à ses avances? Dans le sens où, est-ce que je dois combler le manque affectif que j'ai? Non. Regardez, j'ai préparé ses excuses avant même d'avoir commis la faute. J'avais un manque affectif, doudou. Non, mais c'est exactement ça. J'ai plus d'affection, j'ai plus d'attention, et c'est tension sur tension. Et ça me trouble dans mes études, ça me trouble ça dans te la trouble dans ça me perturbe, ça me traumatise. Est-ce que tu as déjà parlé de ça à ta copine déjà? Mais pourquoi il lui en parlerait? Lui dire je n'ai pas d'affection, il faut que tu fasses attention à moi. Peut-être. Mais bien sûr. Tu lui as déjà dit? Je lui ai déjà dit simplement que quand j'aborde ce sujet-là avec elle, elle se braque et elle rejette la faute sur moi. Tu sais ça quelle semaine du mois? Pas une semaine en particulier. C'est peut-être un problème de timing. À chaque G97, à chaque Trace FM, vous continuez à partager votre plat préféré. Si vous avez une photo en plus, ça le fait. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On a Cindy qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir Cindy. Allô. Bonsoir. Le plat pour lequel tu meurs, le plat avec lequel c'est totalement cohérent pour toi, en fait, de... Comment dirais-je? De kiffer? Alors, moi je dirais c'est les plats plutôt locaux, donc bébélé, chaudage, tout ce qui est Marie Galante. On a Marie Galante en force là. Apparemment, oui, la destination culinaire. Oui, parce que le jeune homme de Guyane qui a appelé tout à l'heure et qui dit que le caca bœuf c'est avec du sirop d'érable, il n'y a pas de sirop d'érable à Marie Galante, il y a du sirop batterie. Non, mais il a des origines canadiennes, c'est pour ça. Ouais, probablement en fait. Un chapitre canadien. Mais il s'est pas arrivé avec Pont Gomme, hein. Il pas arrivé à l'hôtel en disant genre j'ai la recette, hein. Il a dit juste j'adore le caca bœuf. Et c'est il croit que c'est du sirop d'érable. Non, il a dit qu'il aime le dessert de Marie Galante. Oui. Il a dit Marie Galante, caca bœuf. Il a dit sirop d'érable, c'est fait avec du sirop d'érable, etc. Cindy. Il faut le corriger tout de suite. Oui, d'accord. Mais Cindy, ne fais pas ça avec violence. N'oublie pas que un Guyanais qui débarque à Marie Galante, c'est un touriste. Ok. Il ne faut pas dire ça. Dis, et à la limite, on vous connaît très bien, Marie Galante. Un Guada, un mec du continent, comme vous dites, qui débarque à Marie Galante, ouais. C'est un touriste. Oui, c'est un touriste. Oui. Il arrive à Galanta, vous lui dites, mais oui, mais on mange vraiment le caca bœuf avec du sirop d'érable. Ça se trouve, vous êtes même à l'origine de cette méprise de la part de ce jeune touriste. C'est ça. Bouge pas, Cindy. Hashtag G97, essaye de lui filer des invitations ciné. 0820-203-200, également sur le net, www.trace.fm. On est en train d'accompagner la philo, en fait, sur son after. La philo, on va te décrocher un sourire. On fait le Hey Baby Allo. On revient avec une petite session rap old school, juste derrière Lil Wayne avec Sucker for Pain. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On tente notre appel de Kalash. Laurence, c'est le numéro de téléphone qu'on compose. On l'appelle de la part de Gérald. 0820-203-200. Vous continuez à partager évidemment le plat que vous préférez, le plat pour lequel, limite, en fait, s'il restait qu'une dernière chose à manger, parce que demain c'est ta dernière journée, qu'est-ce que tu mangerais? Qu'est-ce que tu aurais envie de manger? Il y a eu des langoustes qui ont été partagées. Il y a plein de choses qui nous font toute envie. Mais si il fallait que ce soit qu'une seule chose, ça serait laquelle? 0820-203-200. On compose le numéro de téléphone de Laurence. Allô? Hey baby, allô? Allô? J'espère que je vous dérange. Oui. Pardon, Amdoula. Oh, c'est pas Kalash. C'est pas Kalash. Oui. C'est pas Kalash qui me parle là. Je sais pas, mais c'est pas Kalash. Tu veux que je t'insulte? Tu finis mes phrases avant moi. Non, c'est pas Kalash qui est là. Kalash a une plus grosse voix. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a? On s'est défogué au con, piana. Ben, je sais pas. Finis pas. Comment? Je te passerai là un bague au doigt, je suis charmé. Je t'aime beaucoup. J'ai pas compris. Je t'aime beaucoup. Je touche dans le noir comme au cinéma. Non, je veux pas. Oui. Non. Wow, je suis timide là, je ne pense que je suis à la radio. Oui. Je sais qui est-ce qui a fait ça. Égal. Français cher. Hey, hey. Oh baby, oh baby. Merci, gros bisous à vous. C'est la part de Gérald. J'ai trouvé ça dégoûtant. Elle a raccroché. Génération 97. Pendant 3 heures, c'est nos limites. Zéro censure. Génération 97. Take my hand to the flame. I told you I'm a slave to your game. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. I'm pushing from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. Been at it with my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. Playing, that's why all through the streets, all I hear singing is ow, ow, ow. chrome a lot. Cause my frequent spots that I'm known to rock. You hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. Really, what, Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my leash. Still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them counters in the motherfucker. Still, taking my shine to be ready to pick you. And I'm still tied up for the streets. Every time I see a catcher rolling his pack, for the life of me, I cannot see why you don't know how to act. Blood a clan when you deep. But when you on that solo creep, out on the streets, you don't hear a beat. Nigga, it's a goddamn shame. Somebody explain why they send a bad boy to play a grown man's game. Tear that ass out the frame, completely get that ass kicked. Woke up on the streets, but you'll be sleeping in the casket. How long will it last? Nigga, don't ask. If he puts the blast, I'm blowing the mash. Trying to be the first to see some cash. My shit's classic. Like my nigga Nick, go get the tape. We'll keep the nation anticipating until we break. Money made me evil, quotations got me stressed. Niggas aiming at my head when I stand up. Haters wanna hate me. I drink that Dom Perignon. I drink the shot of Patron and tell me on. I got that red eye bomb, get your stone. I got them gunshots, head knocked to my bed stop. I'm from a place called New Jersey. They call it the New Jerusalem. I'm only here for one night, girl. I'm on the plane tomorrow. But I love the way you move, girl, and do that belly dance. So let's play, you're my teacher. We're gonna whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B,

Tanya Stephens. It's a pity. You already have a... Alison Hines. Missy Sadik et beaucoup d'autres. C'est bien vous qui faites moins vie, Angel. Karim Zik, clubbing, beach and pool parties, stand-up comedy, sport. 7 îles différentes pendant 7 jours. Séjour au départ de Martinique et Guadeloupe à partir de 699€ par personne. Payable en plusieurs fois. Attention, quantité de cabines très limitée. Tarifs et conditions sur les pages Facebook Karim Zik et nayaradouvoyage.com. Karim Zik 2017. Tout le monde à bord. Avec Trace. Trace Tropical et Stonehouse Events présentent l'événement le plus attendu de la Caraïbe. L'ex-président d'Haïti, Michel Martelly, alias Sweet Mickey, est de retour avec un live exclusif à Saint-Martin. Un concert historique, un artiste invité, Jade, Oswald, et de multiples cadeaux à gagner. 30€, disponible chez bisou.com, 50€ à l'entrée. Infoline au 06 27 93 70 71. Sweet Mickey en concert. The President is back. Le 22 octobre au Carnival Village de Saint-Martin à partir de 20h avec Hypnotic Gentleman Club, Saint Mace Enterprises, Shippy et Trace Tropical. Actuellement au cinéma. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Hashtag G97, hashtag Trace FM, on revient avec du sexe confessionnal. Tout à l'heure, il y aura la hotline du cocoteur. Mais d'ici là, c'est la Yoshistrophe. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé, Yoshi? Je me trouve partagé. J'ai un dilemme en face de moi. T'as partagé? Ah ouais, mais on m'a pas encore partagé. Parce que j'ai pas encore pris ma décision. Et bientôt, on va te liker. J'ai pas compris. Excuse-moi, liker. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais bref. Ben en fait, dans mon couple, ça ne va plus depuis bientôt 3 mois. Maman, tout à l'heure, c'était ça ne va plus très bien. Maintenant, c'est non, ça ne va plus carrément. Ça ne va plus. Voilà. Peut-être ça que ta copine est partagée aussi par ton meilleur ami. J'ai pas de meilleur ami. Oh, mais ça ne va plus maintenant. J'en pars ton pire ennemi. Ça ne va plus depuis bientôt 3 mois. Et sa meilleure amie qui s'est aperçue de ça, en fait, me fait des avances depuis bientôt 2 semaines. Et ça persiste, elle est persévérante dans la chose. Moi, dans ce genre de sujet, je suis super ouvert d'esprit, en fait. Ah, toi, tu partages, toi? C'est pas partagé. C'est une transition. Explique-toi. Alors, il y a des garçons qui draguent parfois des filles. Par dépit. Ok, ils visaient une certaine nana, et parfois, c'est la meilleure amie. Maintenant, effectivement... Moi, je trouve que t'as pas de compte à rendre à ta future ex. Parce que c'est de ça dont on est en train de parler, non, en fait. Non. Et moi, tu n'as pas de compte à rendre à ta future ex. C'est pas encore ton ex, déjà. Donc, tu as toujours des comptes à lui rendre. Alors, moi, je suis tellement parano que je me serais dit, ça va mal entre nous. Elle essaie de trouver. Alors, elles sont copines. Alors, justement, ça peut être un guet-apens. Pour que tu succombes et qu'elle puisse avoir un prétexte pour te quitter. Je pense pas parce qu'elles ne se parlent plus depuis un moment. Elles sont pas fâchées, mais elles prennent de moins en moins de nouvelles. Parce que tu penses que c'était pas prévu depuis le début. T'as vu, t'es tombé dans le piège. Non, je suis pas encore tombé dedans. Après, honnêtement, est-ce qu'il y a quelque chose à risquer à tomber dans le piège? Non, parce que lui-même, il dit que ça ne va plus. Donc vas-y. Si tu tombes dans le piège, faut vraiment que tu tombes au fond du piège. Tu vois de quel piège je parle. Tu parles. Mais en après, fait, tu as le rôle du salaud, c'est ça le problème. C'est ça, parce qu'il y a deux clans en fait qui s'affrontent. Il y a mes amis, même au sein de mes amis, il y en a qui me disent ouais, mais là t'es plus heureux, elle te rend la vie difficile. Et il y en a qui me disent ouais, mais c'est passager, accroche-toi, ça va aller. Et là en fait, il y a ce facteur. Le meilleur est à venir. Tu sais toutes ces phrases là. Ouais. Tu sais, après le calme vient la tempête. Non, c'est un cap à passer. C'est un cap à passer. Ouais. Ouais, non, parce qu'après le calme vient la tempête, c'est... Ouais, c'est non, là. C'est... Ouais, ça fait peur, ça. Franchement, c'est quoi ta question, mec? Ma question, ce serait de savoir comment je dois réagir par rapport à ça. Est-ce que je dois donc écouter les gens qui me disent « De toute façon, lâche-la, tu es jeune, t'as pas besoin de te prendre la tête sur ça. » Avant même de te demander qui tu dois consommer, avec qui tu dois sortir après. Aujourd'hui, c'est un vrai état des lieux que tu dois faire en fait de ta relation avec la nana avec qui tu es. Ça se passe bien ou ça se passe pas bien? Ça se passe très mal. Bah, c'est peut-être simplement la fin d'une histoire. Après, ne cherche pas juste à rebondir parce que tu as la hantise de te retrouver tout seul. Rebondis parce que le truc a un peu d'intérêt pour toi. Ouais. Moi, je pense que c'est la meilleure position que tu puisses avoir. La nana avec qui tu es en ce moment, ça se passe pas bien. Ouais, certes, c'est sa meilleure amie. Oui, ça va probablement créer du remous. Oui, après, elle réfléchit pas vraiment énormément. Parce que quand on sort d'une rupture, une nana, c'est pareil pour les mecs. Hein. Quand les nanas sortent d'une rupture, en fait, le mec qui suit, c'est en général celui qui sert à panser les blessures, en fait. Ouais. Donc, je me dis que franchement, tu vas peut-être pas faire long feu. Peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être que tu vas pas faire long feu avec cette nana. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça t'intéresse vraiment? Ouais, mais intéressé pour intéressé, moi, je préfère ne pas continuer à vivre ce que je vis là, parce que vraiment, je suis dans une bulle où je suis obligé de rendre des comptes sur tout et n'importe alors, quoi. Alors, avant même mais de savoir avec qui tu sors pour la prochaine fois, en fait, débarrasse-toi de avec qui tu sors aujourd'hui, parce que ça se passe pas bien. Mais ça, c'est clair. Mais pour répondre à Nessie, c'est ma copine, mais... Comment ça, c'est clair? Pourquoi tu l'as pas rencontré, si c'est clair? Parce que, un moment, je sais pas, je me dis que c'était quand même une relation dans laquelle je m'étais engagé, et que je sais pas si je vais regretter en fait de mettre fin à ça, parce qu'on a quand même vécu des choses intéressantes, j'ai quand même appris d'elle. Mais le monde est rempli de relations avec qui on a vécu. On apprend à chaque fois. Hein. Ouais, voilà, c'est-à-dire que... Tu peux t'engager dans un couple, mais après faut regarder les clauses. Après, tu peux quitter de manière, enfin c'est à la date anniversaire ou bien chaque mois tu peux quitter, c'est comment? Je sais quelle opérature que tu as. Sont commun. Sont commun. Ça me dérange. Sont commun. Non, tu sais, franchement, honnêtement, moi, je trouve que ce monde irait bien mieux, en fait, si on avait les couilles, en fait, parfois de faire au moment où on ressent les choses, au moment précis où on a envie de les dire, et si on faisait les choses. C'est vrai que tu seras toujours de toute façon le connard de quelqu'un. Tu décevras forcément quelqu'un qui a peut-être pas forcément la même vision que toi. Mais à un moment ou à un autre, cette situation te dérange. Ok? Donc, passe à autre chose. Oui, passe à autre chose. Faut faire les choses bien. C'est-à-dire, je laisse tomber la copine et après, C'est quoi faire les choses bien? Non, parce que là, il aura l'image du salaud s'il va avec la meilleure amie. Mais on s'en fout d'avoir l'image du salaud aujourd'hui. Il faut faire les choses proprement. Il peut faire deux choses en même temps. Avoir la meilleure amie et se débarrasser de son actuel. Mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Non, je te répète, il peut avoir la meilleure amie, il couche avec elle, sa copine la prend, elle le quitte. Ça peut être une bonne excuse. Non, ça peut être... Pourquoi c'est elle qui gagne? Parce que dans l'histoire, c'est lui qui va fauter. Alors que si Nessie, c'est lui qui a pécho, c'est lui qui a gagné. Et puis Nessie, oublie ça. C'est les histoires de vivre dans le regard des gens là. On n'est pas en train de parler de faire quelque chose de glauque, de sordide. Hein. On est simplement en train de dire que voilà, le mec, il est dans une relation où il a besoin de passer à autre chose. Il passe à autre chose de la manière qu'il peut. Il a peut-être pas forcément les couilles de lui dire, écoute, ça se passe pas bien, j'en ai ras-le-cul. C'est pire de faire ça. Mais peu importe. Aller avec la meilleure amie, c'est le truc le pire à faire. Non seulement la meilleure amie est là, mais elle-même aussi a son copain. Donc ça rajoute encore quelque chose de compliqué dans l'histoire. Donc voilà, ne te complique pas la vie non plus. Est-ce que tu peux pas faire une transition avec quelqu'un d'autre? Non, mais ton histoire de transition déjà. Tu es quoi? Tu es DJ? C'est quoi ton truc? Ça m'a dit ça, la meuf. La meilleure amie te fait des avances. Elle a son copain. Oui, mais donc, ça va pas non plus. Ah merde. Oh là là. Elle veut être avec toi ou quoi? En fait, de ce que j'ai cru comprendre, cette meilleure amie-là a toujours été jalouse de notre relation parce qu'elle estimait que son copain actuel ne lui donnait pas l'attention qu'elle mérite, ne lui faisait pas de compliments. Mais ça, c'est un truc qui est super... Ça arrive super souvent. Tu sais, quand tu aimes quelque chose, quand tu tiens à quelque chose, souvent, tu te retrouves dans une situation où la relation est sublimée par d'autres. Le regard de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a des phrases qui te répéteront à longueur de temps, des proverbes qui te diront « pas chercher vous, si d'autre côté Zeb l'applivait, machin, etc. » La vérité, c'est qu'à un moment ou à un autre, on sait toujours... En fait, quelque part, on cristallise beaucoup sur ce qui nous manque, on focalise là-dessus, alors que si ça se trouve, si on le vivait, ça serait pas aussi bien, tu vois. Après, profite, parce que la tendance est en ta faveur, ok. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec toi, moi je pense que ces nanas-là, ou ces mecs-là, on les appelle des rebounds. Tu rebondis, en fait, dans ta situation. Parfois... Si tu as suffisamment de recul et que tu es le Dalai Lama, machin, etc., que tu es plein de sagesse, il faut éviter de faire du mal à ces gens-là. Mais ces gens-là sont là un petit peu pour panser les blessures. Ça existe, c'est vrai. Maintenant, est-ce que cette meilleure amie a pour toi un intérêt? Pas plus que ça, en fait. Donc, c'est simplement l'angoisse de te retrouver seul, en fait. Ouais, l'angoisse de me retrouver seul, mais même si là, elle n'a pas d'intérêt, parce que je m'interdis, en fait, d'éprouver de l'intérêt. Mais c'est quand même quelqu'un qui me change les idées, en fait. Quelqu'un qui me fait passer de bons moments, etc. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200, également sur le net, www.trace.fm. Par texto, vous envoyez Trace 8 de votre message au 97 000. Moi, honnêtement, pour moi, ta situation est simple. T'es simplement en train de terminer une histoire et de passer, pas à une autre, mais de passer à une autre phase de ta vie. Et peut-être avec quelqu'un d'autre. Après, si tu trouves que c'est plaisant, si ça t'intéresse suffisamment, fais-le. En tout cas, c'est ce que les cartes me disent. Tu lui disais ça comme si t'avais vu un truc illuminati. Non, parce que... Non, mais c'est pas illuminati, c'est médium. Mais quand tu réfléchis, en fait, c'est-à-dire que concrètement, je trouve ça naze. Moi, perso, si tu me poses la question, moi, je me verrais pas... Déglinguer la meilleure déglinguer copine de la femme. Non, c'est même pas... Non, alors moi, oui, je le ferais. Moi, je le ferais. Par contre, je le ferais pas dans le but d'essayer de me libérer d'une situation. Tu vois? C'est-à-dire que je trouve que ça, c'est des mauvaises raisons. C'est-à-dire que t'as envie de passer à autre chose. Oui, t'as envie de passer à autre chose. La meilleure amie peut être autre chose. Ok, certes, peut-être que ça ne sera pas totalement autre chose et peut-être que c'est voué à être éphémère. Tu vois? Mais ce que je veux te dire par là, c'est que concrètement... Termine d'abord, et c'est là où je rejoins ici, c'est que faire les choses dans les règles, c'est que tu es pas bien dans la situation actuelle avec la nana avec qui tu es, que ce soit sa meilleure amie avec qui tu sors, que ce soit qui que ce soit d'autre, machin, etc. De toute façon, a priori, si elle est pas prête à ce que tu casses, ça sera jamais la bonne fille. Donc que ce soit sa meilleure amie, que ce soit sa pire ennemie, que ce soit une nana qu'elle connaît pas, elle est peut-être pas prête. Alors après, moi je suis d'accord que tu peux porter le fardeau du monde en te disant machin, etc. Faut toujours essayer de faire bien, machin, comme dit Nessie. Sauf qu'en fait, dans la réalité des faits, tu veux essayer de faire bien quelque chose, il y a quelque chose qui se passera de toute façon mal. La réalité, c'est que peut-être pour faire les choses bien, te débarrasser de cette histoire qui t'encombre et voir éventuellement ce qui se profile à l'horizon pour toi en termes d'avenir. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On va s'écouter du petit Kalash avec Free Me. Tiens, spécial dédicace pour toi, Yoshi. On revient. 0820-203-200, il y a de l'appel au cocoteur. On revient également avec du sexe confessionnal dans un petit instant. Les traceurs, à tout de suite. Mr. Officer, Free Me. Quand je cherche preuve pour mettre ma binge. Police l'a dit que mon café est top 7. Mais tes potes là, marie-moi, dis-moi, on y doit, c'est la peine. Chiche là, mais ça fait peine, moi là, je suis encore plus mineur. 8h du matin, ouvre la porte. Brigade des chiens, mais y'a besoin de lock me up. Yo décidé que c'est moi qui vend up. Fouillez, trouvez, balle et puis glock. Montrez-moi photo, on pas connaître ça. Ou j'en connais nous même nos boîtes de lance-bas. Ou parlez pas les garçons. Allez dormir l'ennui là qui barre les sons. Babylon les lacs mia. Où tu plis pas celle si veille autant de A pas ici qui yo que jeune la drogue. Pas à rien qui ganja qui mon gas mat. Babylon. Yo tiens mes mots qui roule pomme. Mon marijuana fait garde à vue. Mon val devait dire personne en plus. Il y a ta fireball. Il t'a posé tout stress. Et pas mon inspiration à plus. Priez policeman. Manager à Batman. Où est il? Policeman, pas qu'à courir des jeffs, Batman. Assez, c'est un tout peuple à yoye, parce que pas qu'à vivre dans, Maman, pas laisser moyen payer ya mon encore. Si me nourris nous qui achetons des yoka baïtso. Maman, qu'à travailler à bon l'auto, il qu'à descendre. Ça important, bypass papa, pas là. Envoie la vie à l'aide, yo pièce la pas qu'à way. Plein de coups, yo qu'à dire que c'est bon, yo qu'à faire. Pe pa faye, a pa chèche solution. Foyon pa faye, pou pa faye ou manche. Pou mon frère ki la jol. Manager a Batman. Ou ye i. Manque d'humanité ka fou a man ka ron mout méchant. Policeman, pa ka koui de jevwe Batman. friend qui la genre la frio. Mon badon pas mi frio. Mon rise et mettez le vel à tout de ton prédit. Ton pic radio kaba et ton dépôt plan gaffa. Mon friend qui la genre la frio. Dans la pompe frio. Mon rise et mettez le vel à tout de ton prédit. Ton pic radio kaba et ton dépôt plan gaffa. Sarah bay rendez-vous centre pénitentiaire. Yo si mes bas nous semi-liberté, permission, refusez, maudit, rien nous pas fait. Surtout là, yo talonne pour pousser. C'est bête à la cababo maltaine. Parfois bad baya carré dissopie. Surtout l'homme à guest tu pour la tête. En command disait tirer en. Pour son friend qui la joue la frio. Pompi DJ frio. Mon rail c'est mec qui le veut la triton. Petit ton pic la radio cabaye ton des bons plan gaffa. Qui la joue la frio, mon badon t'a la frio, mon rail c'est mettre le vela, c'est ton petit ton pic radio papa et ton époque la gaffa. Non non, mon palais retourne là-bas, on laisse à la big up fire. 10 ans, 20 ans la jol pas molle, Stéphane n'y est pas payé qui contrôle. Pour mon friend qui la joue la frio, mon badon pas mi frio man, mon rail c'est mettre le vela. Et dit ton pic la radio cabaye ton dépôt plan gaffa. Pour mon friend qui la genre la frio. Ouais ça faut pas mon frio. Mon rail c'est mettez le vel là. Et dit ton prédit ton pic la radio cabaye ton dépôt plan gaffa. Pour mon friend qui la genre la frio. Ouais DJ T will pull up man. Mon rail c'est mettez le vel là. Et dit ton prédit ton pic la radio cabaye ton dépôt plan gaffa. Plata, plata, plata, plata. Ma connaît, t'as dit quoi, comme un jour. Toi, si y'a pas l'école à la jol. Tu connais. Mon big up tout, c'est old GL man. GL man. Mon PSN Dijon. Yaman. Et fire big up. Big up. DJ. Safo. Safo. T'as dit quoi, comme un jour. FM, génération 97. Génération 97. C'est fait pour toi. Dans un petit instant, il y a la hotline des cocoteurs. Chien en chaleur, c'est lui qu'on appelle ce soir. C'est son pseudo sur le site de rencontre. Hugo le chauffe depuis tout à l'heure, le chat. Et dans un petit instant, il sera suffisamment mûr pour passer à l'antenne. D'ici là, on est en mode Yoshi Strophe. Yoshi, yes. Yoshi, il y a plein de réacts pour toi. Ouais, tu as Lunastra qui te dit, te prends pas trop la tête et si tu dois choisir une autre meuf que ta meuf actuelle, ne prends pas trop près. Va pas chercher la meilleure amie de la meuf. Mauvais plan, il y a un tas de meufs, prends pas ouais. Ce qui est trop près. Elle a laissé son numéro ou pas? On a Célia qui dit, Keshi, tu préfères prendre la tête, ta tête avec les escaliers qui te prennent 2 minutes. Et puis c'est fini, galérer avec les mademoiselles pendant X temps. Mais elle les a confondus, Yoshi et Keshi, je pense. C'est normal. Yoshi et Keshi, en fait, c'est 2 Pokémon qu'on a dans notre équipe, ok? Yoshi et Keshi, c'est pas la même évolution, en fait. Keshi, laquelle qui a évolué, les gars? Parce que moi, je sais pas. Le seul qui a évolué, c'est Yoshi, pour l'instant. Donc, pourquoi? Keshi, quand il prend du level, il devient Yoshi. En fait, quand tu t'intéresses à la légende et à la mythologie de Génération 9-Tet, quand tu t'appelles Chi dans ton prénom, tu es au standard. Yoshi, il est au standard. Keshi est au standard. Mais Yoshi et Keshi, ce ne sont pas les mêmes personnes. Yoshi a des problèmes dans la vie. Keshi aussi, mais on s'en fout. Ouais. Keshi est là pour répondre aux standards pendant que Yoshi expose tes problèmes à l'antenne. Yoshi, lui, fait du standard et de temps en temps de la Yoshi strophe. Keshi, de temps en temps, souvent, tout le temps, tous les jours, arrive en retard. Et c'est la catastrophe. Bref, ne t'aventure pas dans ce labyrinthe tournant rempli de piquants. C'est Little Mum qui t'envoie ça. Cherche ailleurs que les deux. Sincèrement, le monde est assez grand. Sur Facebook, Patricia, tu touches surtout pas à sa meilleure amie. Elodie, par contre, enfourne-la. Ah ouais. Enfourne-la, on reste dans le côté culinaire. Et Stéphanie, pas laisser quand on séduit. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On vous a demandé également quel est le plat avec lequel vous finiriez votre vie, par exemple. Le plat, genre demain, c'est la catastrophe, c'est the day after, tu sais, genre l'apocalypse, quoi. Demain, on meurt. Vous mangez quoi, en fait, à votre dernier repas? Il y a des gens qui nous ont proposé des desserts, quoi. Il y a des gens qui arrêtent pas. Alors, il y a quelqu'un. Spice Tzika, c'est le Mont Blanc, les tartelettes à la fraise, le Robinson, les pains au beurre chocolat, la glace manioc maison. Princesse Mayu nous envoie une coupe de glace chocolat liégeois, je pense. Je sais pas l'autre ce que c'est. Il y a un McFlurry et il y a un milkshake. Tu arrêtes enfin de calculer tes calories si demain c'est la fin du monde. L'Hélène, son plat préféré, c'est le dombré en toute sauce. Ah, alors, bon, la photo qui est passée là sur le web à propos des dombrés, je sais pas qui l'a posté, mais je déteste cette personne. Personnellement, franchement, honnêtement, je pense que je la déteste. Parce que ça m'a donné faim. C'est la philo qui a posté ça. Il a posté un tas de photos. Oh, putain, il a posté, c'est lui qui a posté aussi la langouste. Avec le petit gratin de légumes pays. Betty Anne, pour elle, c'est tagliatelle, saumon crevette, noix de Saint-Jacques. C'est pas mal. Ça fait un sac. Alors, noix de Saint-Jacques, j'aurais pas rajouté les noix de Saint-Jacques parce que par contre, honnêtement, on a l'impression que t'as envie de bouffer tout l'océan. Et on a Nemo qui est très inquiet. Manounou la cirèse, pour elle, c'est juste le colombo de poulet. Ouais, tu vois, un petit colombo de poulet, ça dépend, bien préparé, ça le fait. Quand c'est les grands-mères qui préparent, tu sais, ces gens qui ont la culture de la cuisine, ça prend une saveur complètement différente, une dimension complètement hallucinante. Ça explose en bouche, c'est... Putain, je parle comme un juge de Masterchef. Ouais. Akira, je suis une inconditionnelle du chocolat, surtout le chocolat blanc. Je meurs au campus, qu'on m'achète des beignets au chocolat, s'il vous plaît. Elle fait sa petite annonce en même temps. Elle est au campus. Et elle cherche des beignets au chocolat? Ouais. Ça tombe bien, je suis bientôt célibataire en fait. Donc Attends, deux petites secondes, Yoshi. On a son numéro de téléphone. Alors, comment on peut trouver des beignets au chocolat à l'heure qu'il est? En fait, on est obligé d'attendre au moins 2-3 heures, le temps que les boulangers, les pâtissiers se mettent au boulot. Il y en a qui sont 24 sur 24, non? Un pâtissier en première partie de soirée, je sais pas. Hein. J'ai pas l'impression. J'ai jamais vu ça. Je suis toujours en émission à cette heure-là. Mais c'est pas compliqué. Je sais que lorsqu'on sort, c'est ouvert. Hein. Mais non. Il s'arrête un moment quand même. Ouais, il s'arrête. Je pense entre 18h et 2h du matin. Ah mince. Donc là, c'est pas le bon plan. Là. Mais c'est pas grave, on arrive à 2h du matin. Là, c'est compliqué. On a du monde qui nous rejoint du côté du standard, c'est du Big Quiz qui se prépare. Allô, bonsoir, qui est là? Carole, Karen et Leïla. Bonsoir les filles, hashtag G97, hashtag Trace FM, on va jouer au Big Quiz. Ladies and gentlemen, here come the best game all over the world. And I really love this game. Carole, bonsoir. Hello Carole. Allô, tu m'entends Carole? Oui, je t'entends, ouais. Ok, nickel. Bonsoir Karen. Karen. Bonsoir. Et Leïla nous rejoint dans une poignée de secondes. Sauf que on va jouer au Big Quiz sans l'attendre. C'est un forfait. Ok. Et ça sera rajouté une autre personne ou c'est un double? Ça sera un duel. Un duel. Okay, ça marche. Karen, Carole, que la meilleure gagne. Voici le Big Quiz. Big Quiz. The Big Quiz, baby. Première question. Vous donnez votre prénom avant de répondre à la question. Ouais. De quel endroit d'Espagne vient la spécialité de la paella? De Madrid, de Barcelone ou de Valence? Karen, prends la main. Je dirais Valence. Et oui, c'est la bonne réponse. Bravo. Bien joué. Premier point pour Karen. Attention, second question. Que désigne l'anacarde? La noix de cajou, la cacahuète ou la pistache? Carole. Karen. La noix de cajou. Et c'est la bonne réponse. Elles sont fortes ce soir. On a des personnes cultivées ce soir dans le Big Quiz. Ouais, des personnes voraces. Et on enchaîne, c'est un spécial culinaire apparemment. Oui. Spécial culinaire. On y va, c'est parti pour la question locale. Local. On y va, avec moi. Culinaire. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'est la question locale. Culinaire. Culinaire. Comme préliminaire. Culinaire. con ça. Vous n'êtes pas dans le tempo, je vous déteste. Voici la question locale. Quelle est la spécialité de la Guyane? Est-ce que c'est le bouillon d'Awara, le colombo ou le rougail saucisse? Carole. Carole. Oui. Le bouillon d'Awara. Et oui, c'est la bonne réponse. Oui. Détective. Deux points sur cette question. Voici. Yes, ça fait 3 points pour Carole, 1 point pour Karen. On y va pour la fourth question. Here comes the fourth question, la question que te fait postillonner en partant avec Fremont. On retrouve des recettes de saucisson datant du temps de l'Empire romain, du Moyen-Âge ou de la Renaissance? Karen. Karen. Renaissance. Mauvaise réponse. Karen. Karen encore. Au Moyen-Âge. Mauvaise réponse. Et Karen. Karen encore. Ouais. Carole, Carole, juste pour information, t'es mauvaise là sur le coup. Ah vas-y, mais Karen. Réagis, vas-y Karen. Karen. Allez Karen. Ben, ça j'ai pas dit. Non, non, ça marche pas comme ça. Alors là. Carole, un essai. Moyen-Âge. Non, c'est pas le Moyen-Âge. Alors je propose qu'on vous redonne les propositions. On retrouve des recettes de saucisson datant du temps de l'Empire romain, du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Karen. Karen. Empire romain. Oui, c'est la bonne réponse. Eh ben, enfin. Voici la final question. C'est la question qui va récompenser la meilleure d'entre vous. La question à laquelle il n'y en a pas d'autre, celle qui peut te faire repartir avec la victoire. On y va pour la question. Final question. On inspire. On expire. Vous coupez votre respiration. Vous ne reprenez pas votre souffle avant d'avoir répondu à la question. Quelle actrice est l'héroïne du film Hunger Games? Est-ce que c'est Jennifer Aniston, Jennifer Hudson ou Jennifer Lawrence? Carole. Karen. Carole. Aniston. Mauvaise réponse. Karen. Karen. Jennifer Lawrence. Oui, c'est la bonne réponse. Ouais. Avec cette final question spéciale culinaire. Franchement, je vois pas le rapport entre la bouffe et Game of Thrones. Non, j'ai voulu. Non, c'est Hunger Games. Hunger Games. Ah, si Hunger. Les jeux de la faim. Les jeux des prédateurs. Les jeux des gens qui ont faim. Sinon, bravo, Nessie. C'était subtil, mais c'était, bravo. Ah, franchement, honnêtement, putain, je l'ai pas vu. Le jeu des gens qui ont faim. Tu repars avec les cadeaux. C'est quelqu'un qui repart avec les cadeaux. Karen. C'est Karen. Félicitations Karen. Ok, merci. Des bisous à Carole. Bisous à vous aussi. Et des bisous à Cassandra. À Caroline. Mais également à Canel. On va faire tous les cas. Toutes les... Catherine. Catherine, ouais. Hein, Katharina. Katharina aussi. Catalina. Ouais. Ouais. Et Cassoulet. iPhone 7 entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Moi, vraiment... j'adore. Et t'as des messages. Et t'as des messages. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 9-7 aussi dispo sur trace.fm. Ce mercredi 12 octobre à 16h au Rex, Trace FM et le forfait sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hé poto, elle est vraie ton histoire. La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charcon. Il dormait près du quartier. Regarde ça mon pote, l'insert des pièces. C'est marrant votre jeu, tu peux jouer. Le gros fou rire de la rentrée en avant-première Trace FM avec le forfait sapé by SFR. Toute la semaine, guette le signal de La Pièce. Que t'en as une de pièces. Les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820 203 200 et repars avec 4 ou 6 places, ta boisson et tes pop-corn pour l'avant-premier événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, au Rex, avec le forfait SAP by SFR. Forfait SAP by SFR, ça le fait. Plus d'infos trace.fm. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. Digilife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif métropole pour l'achat d'un nouveau Mac.

controller. Yeah, like controller, controller. Yeah. And I'm never on a wasting shawty. I do it how you say you want it. Them girls, they just wanna take my money. They don't want me to give you nothing. They don't want you to have nothing. They don't wanna see me find your loving. They don't wanna see me smiling back when they breathe. Maman, on veut te parler. Elle a dit non. Mais non, mais il faut pas qu'elle fasse ça timide. On va juste lui demander c'est quoi son repas préféré. Bah ouais. Elle est partie. Elle est partie. Ah bah c'est bon, voilà. Alors, on va faire comme ça d'habitude. Alors toi, ça serait quoi ton dernier repas? Alors, mon dernier repas... T'es déjà en train de manger, en fait. Elle est en train de bouffer son téléphone. Non, non, t'es bête. Non, je mange, effectivement, mais je n'ouvre pas mon téléphone. Donc, mon dernier repas, je pense... Je voudrais une pyramide. Quoi? Un chocolat. Une clémentine. Une pyramide en chocolat. Ah, ok, ok. Ok. Mais genre la grosse pyramide, tu vois, genre c'est la taille d'un viking taille. Tu vois? Ouais. Et je m'en fous, je bouffe tout. Sans quoi personne ne touche à mes affaires. Ah ouais. C'est-à-dire que si la tempête, si le tremblement de terre ne t'emporte pas, tu meurs du diabète direct, quoi. Ouais, voilà. Merci pour ta contribution, Naïma. Des bisous à Rivière Pilote. Direction Cayenne, on a Stéphanie qui nous rejoint. Steph, ton dernier repas. Des bananes posées. De quoi? Quoi? Bananes posées. Des bananes quoi? Flambées. Bananes posées. Pesées. Ah, Haïti. Avec du ricolet. C'est bon la bouffe à Haïti. Et vous savez qu'il y a une polémique au passage sur la nourriture haïtienne. Il y a plein de journalistes qui font des raccourcis. Il y a un vrai scandale en ce moment haïtien. En fait, ils disent que grosso modo, en fait, si le pays Haïti a été dépeuplé de tous ces arbres, c'est parce que en fait, les enfants les mangent. Et en fait, c'est un truc. Quoi? Alors, ça fait sourire quand je dis ça comme ça, mais il y a un vrai truc qui tourne sur Internet. Encore une occasion de bâcher, en fait, si tu veux, les Haïtiens. Et franchement, parmi les bouffes les meilleures créoles que j'ai mangées de ma vie, c'est clair que c'est Haïti. C'est très bon. C'est parmi le top. Je vais classer quand même le Colombo de ma grand-mère guadeloupéen dans les pole positions. Tu m'excuses, hein, Stéphanie. Hein. Mais le ricolé, ça le fait. C'est très, très bon. Les bananes pesées, c'est fort. D'ailleurs, je pense qu'en fait, concrètement, c'est un repas de condamné. Hein. Parce que concrètement, une fois que tu l'as mangé, tu es condamné à ne rien faire d'autre. tu digères. Es condamné à le digérer. Tu te mets dans un coin. Ouais. Franchement, Stéphanie, ok. On a validé tes bananes pesées. Ok. Comment? On a validé tes bananes pesées. Ah, d'accord. C'est bon, tu es prête pour la fin du monde. Par contre, il faut toujours que tu en aies à n'importe quel moment dans ton frigo, parce que on sait jamais. Hein. La fin du monde, c'est peut-être demain, mais c'est peut-être à la fin de la semaine. On sait pas. Une pensée pour Haïti, en tout cas. Une pensée pour. Pourquoi? Le cyclone qui est passé. Ah oui, là. Non, c'est super chaud d'ailleurs, hein, mine de rien sur eux. Ah oui, oui, non. T'avais oublié? Ah non, j'avais pas oublié, mais c'est super délicat, hein, parce que, en fait, mine de rien, j'ai l'impression que Matthew, c'est vraiment. El Conardo. Ah ouais. C'est-à-dire que concrètement, j'ai l'impression que le mec, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux détruire encore, machin, etc. Le mec, il a quand même fait un tour de la Caraïbe. On a l'impression que c'est un Américain en vacances, en fait. Ouais. Il a été attaqué la Colombie. Ouais. La Martinique, la Guadeloupe, moins méchamment, mais c'était quand même assez impressionnant. La Barbade, le pays de Rihanna. Ouais. Il a voulu donc détruire la musique. On dirait un Américain en vacances, en fait. Il a fait la Caraïbe. Il est passé sur la Jamaïque, le gars voulait détruire la dancehall. Haïti, le gars voulait détruire le compas. Et tiens, en parlant de ça, sur Cuba, il veut détruire la salsa. On regardait ça tout à l'heure avec Yoshi. Tu sais que grâce au cyclone, en fait, j'ai découvert qu'il y avait des crocodiles, en fait, en Jamaïque. Je savais pas. Je savais qu'il y avait des caïmans à Trinidad, mais je savais pas qu'il y avait de crocodiles, enfin, et qu'il y avait ce type de bête, en fait. Ouais. T'as vu la vidéo de la meuf qui fait peur aux crocodiles? Oui. Real Jamaican. La meuf, il y a un paquet de crocodiles qui se rapproche d'elle, elle est avec son petit chien et tout au bord de l'eau. Elle prend sa sandale. Dégagez. Dégagez. La bête détale. Ouais, non, c'est assez impressionnant. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Merci Steph pour ta contribution. 0820 203 200. On passe en mode cocoteur pour finir l'émission. On appelle chien en chaleur. Bon, alors tu l'as chauffé comment tout au long de la soirée? Ah, c'était chaud entre nous. Il m'a rappelé plein de trucs. Là, il attend ton appel. Ouais. On termine l'émission sur ça. A priori, ça va dégrocher du premier coup si véritablement tu as ferré le poisson. On se retrouve demain, même heure, même antenne, ici même sur TraceFM. Allez, la hotline du cocoteur. Ah ben non, il a pas décroché du premier coup. Hein. Attends. Il est en train de se toucher, c'est pour ça. Viens ici. J'avoue que je suis un peu perplexe par rapport à la fierté que dégage Hugo de cette rubrique. T'es un très bon comédien, mec, mais... Oui, allô ? Bonsoir, chien en chaleur, comment vas-tu ? Ok, je vois, c'est cool. Ben, déjà, on va dialoguer, parler un peu, tranquillement. Dialoguer tranquillement ? Eh, frère, on n'est pas là pour faire un débat politique. Ouais, pas de soucis. Dis-moi, tu ressembles à quoi ? Mais je suis bien debout, j'ai un tatouage sur le dos et sur l'épaule, ouais. Sur le bras. En ce moment, je suis célibataire. Et dis-moi ce que tu vas me faire quand on se verra tout à l'heure. Ouh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas, alors franchement, je crois que je vais te faire beaucoup de trucs. Hein. Ça dépend déjà à la base de ce que tu aimes. Tu aimes un peu tout, toi. Ouais, j'aime tout. Ah ok, bah, ça, Coco, il n'y a pas de problème. Franchement, ça fait un petit moment que j'ai pas, alors franchement, je vais profiter au maximum. Mais si ça fait si longtemps que ça que le bambou n'a rien fait, il doit être un petit peu ramolli. Ouais, non. Mais après, moi, des fois pour décompresser, en fait, ils ont découvert une petite plage nudiste. Et c'est très très discret, il n'y a pas beaucoup de blagues qui viennent. Et des fois, j'y vais tranquille, je me pose la poêle. Si ça te dit, je t'emmènerai. Ah ouais, en plus j'ai toujours rêvé de faire ça sur une plage. Ah ouais, super excitant. Si il y a pas longtemps, un dimanche j'ai été, et puis il y avait un couple, un gars avec sa femme, mais c'est le métro quoi. Et j'étais là tranquillement à poil, et puis ils m'ont un peu lancé quoi. Puis bon, moi j'ai accepté. Sérieux? Ouais, et puis j'ai baisé sa meuf. Il n'y a pas de souci, tu baisses devant tout le monde. Attends, si tu vois un mec passer avec une belle bite qui te plaît, tu l'appelles, tu lui demandes. C'est très discret, très convivial, quoi. D'accord, mais après, moi, je t'avoue, j'ai un petit peu peur. Je sais pas si j'arriverai à t'exciter, parce que t'as l'air d'avoir déjà beaucoup d'expérience. De toute façon, déjà à la base, ta voix m'excite. Ah là là, tu m'excites, ça énerve ma chatte. Attends, écoute-la, elle est énervée. T'as entendu? Ça t'excite ou pas? Mais c'était très excitant. Attends, elle recommence! Ça recommence! Aïe, mon Dieu! Poussicata! Allô? Génération F7. 100% radio libre, 100% radio libre. Tous les soirs, sur Trace FM. It's about that time. What time is it? Just changed, it just buzzed the front gate. I thank God you came. How many more days could I wait? I made plans with you, and I won't let them fall through. I

Guns living fear of me. Dudes on the block with them Glocks running scared of me. I keep my tool near to me, so don't just appear to me. Never touch my money, no, my money's dear to me. I'm in the club balling in the VIP booth. Shorty staring at me, call the kid so cute. This is why I'm hot, you know it is the truth. She want to get some loving from my hardcore youth. So she made it very clear to me, whispering my ear to me. In a soft voice, she said, hi, millionaire to me. Chicks who never dear to me, bringing over beer to me. Girls throwing their underwear over here to me. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. Hey yo, Blackout. Yo, you know we gotta kill this beat once and for all. Matter of fact, this is how we gonna do it. Light the fuse for them, yo. They got 1 minute to go. Mims! Now if you take the sun and multiply its heat, this is why I'm 10 times over than what you find is me. Cause I'm fly. I am the reason why crack turned from cocaine. Yeah. I light it up, then burn slow on that propane. Woo. Yes, I'm a Don, but not the one from Soul Train. Teflon Don, I'm a boss in my own frame. Yeah. I could flip it if you need it, I got it for real. Right. If you don't see it, then they probably ain't got it for sale. I got the East Coast bumping me hard. I got the West Coast bumping me hard. The Dirty South show me love. I can hear it out the trunk of their car. The Midwest like, homie, you lost. So when I pull up in that car with the invisible roof on the coupe and them doors swing up, homie, all you hear is whoosh. That's a swish. I don't miss when I'm aiming for the shot. And this is why, this is why, this is why, this is why I'm hot. Tu écoutes Trace FM. Trace. Première musicale des Antilles Guyane. some hood shit, what you looking at? Cause I'm good for that. Breaking bags, I'm good for that. Might just be your blood for that. You might fall in love with that, got love for that. What's your name? Who you with? Where you from? Do the shit, choose and pick, get the right one. All these chicks got the light one. All these hits, you got the light one. All these bottles got the lights up. All these models got the white one. What you gonna do? How to run? Whoa! Is you drunk? Is you had enough? Are you here looking for love? Ooh, got the club going crazy. All these bitches, but my eyes on you. Is you somebody, baby? If you ain't girl, what we gon' do? Was the realest, I was the baddest, we was the illest. When he approached me, I said, yo, what the deal is? In and out them dealers, rocking chinchillas. I got him in the back of that back, I think he catching feelings. Now it's all eyes on us, and it's all lies on trust. And if them bitches wanna trip, tell them they tour guides on us. This kitty cat on reclusive, he duck ducking them gooses. I put him on in that new new, now he only fuck with exclusives. He was like, what's your name? My name Nick. Where you from? New York and this bitch. Choose and pick. You got the right one, all them hoes ain't nothing like them. Nigga, you know you never wiped them. None of them niggas ain't never hit this. Still at the top of all they hit list. What they gon' do? Meek and Nick. Baby, is you drunk? Is you had enough? Are you here looking for love? Ooh, got the club going crazy. Was the realest. We was the flyest. We was the illest. Yeah, yeah, yeah. I was the realest. I was the baddest. We was the flyest. Up in the building. Yeah, yeah. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Puis pour nos japonais, j'ai du mal. Ah, moi j'adore. Et t'as dit passage. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 9-7, aussi dispo sur trace.fm. Ce mercredi 12 octobre à 16h au Rex, Trace FM et le forfait Sapé by SFR offrent l'avant-première de La Pièce. Hey poto, elle est vraie ton histoire. La Pièce, le premier film événement du Watibé. Au départ, c'est un charclou. Il dormait près du quartier. Regarde ça mon pote, lanceur des pièces. C'est marrant votre jeu. Tu peux jouer. Le gros fou rire de la rentrée. En avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Toute la semaine. Get le signal de La Pièce. Que t'en as une de pièce. Les extraits de la BO du film à la suite. Appelle-nous au 0820 203 200 et repars avec 4 ou 6 places, ta boisson et tes pop-corn pour l'avant-première événement de La Pièce, mercredi 12 octobre, 16h, au Rex, avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. Plus d'infos trace.fm. Le festival Caribzik revient en mars, à bord du MSC Poesia, avec Trace. En concert, Wayne Wonder, Tania Stephens, you already have a Alison Hines. Roll it down, roll it. Taille. Missy Sadik et beaucoup d'autres. C'est bien vous qui faites moins. Caribzik, clubbing, beach and pool parties, stand-up comedy, sport. 7 îles différentes pendant 7 jours. Séjour au départ de Martinique et Guadeloupe à partir de 699€ par personne. Payable en plusieurs fois. Attention, quantité de cabines très limitée. Tarifs et conditions sur les pages Facebook Caribzik et nayaradouvoyage.com. Caribzik 2017. Tout le monde à bord. Avec Trace. Mercury Beach Hit 2016. Here we go again. La compilation des plus gros hits de la Caraïbe. Fayaz. Angela Hunt. Psyche. I need you, I need you. Chico. It's like you never get tired.

about love. Je dis j'ai mal, la vie séparée de nous. C'est pas un mis en moi qui fait la peine, on va y faire moins. C'est vous qui fait moins souffrir, pas charme, moins l'amour. On t'a vu about tout, tout est resté au à moi. On t'a vu about love. Mais bon, après tout, qu'en moi, j'ai viré moi, mais toujours. Parole c'est les ventes abandonnées, girl. On veut pas faire souffrir. Prenez pas la vie non randonnée. Donc, en qu'elle laisse la faire. En qu'à songer ou avant de dormir. Et en jusqu'à rêver d'elle. Avant ou partir, espérer qu'on puisse prendre soin d'elle. Et si ça vraiment fait tout au moins mieux quand même. Hier matin, nous t'es complices. Tout ça sur buté devient un acte héroïque. J'ai voulu marcher, ça voit la corée et l'héroïne. Ma jeunesse, attention, ne supporte plus les moqueries. La rage dans le cœur, les yeux couleur hémoglobine. Cette hygiène, la calève, chou, elle veut les grands panis combines. Souvent, trouve une ta femme, espoir, qu'on y combine. Des prises à mouvement, bienvenue sur mon île. C'est juste la même histoire, après dans différents communes. Bois d'où pas gagner qui la caravelle à ses photos profil. On sent étonné, atteint si bon un peu profil. Chaque son qui écrit, Zami, ça confirme. Zami, en paniqué, un décapoué, qu'un infirme. C'est MG man nous j'acconnette. Même à Citrap nous qu'on poète. Où veut détrôner nous hippolet. Comment qu'on pixel les codec. Même face à la bêtise on reste correct. Y'a qui pour mon y'a qu'a fait coller. Elle veut les collègues nous qu'a fait collect. Mon money gang toujours qu'a mon y'a. Maman gros ça parle en mode ok fou. On balle en plein tête. Maman désespérée. J'allais splérer mettre mes six têtes. Pas hypothéqué via pour inutile ou disquette. Autour de toi beaucoup parleront. Bien combien disent vrai. Moi je connais ta CVI. En moins soutien y'a qu'aide. Mi pour en raison bête. Ou en gros la conti le pète. Zami en fin pas gagné. L'en comprend qui en peut pas perdre. Bon déjà elle est moins. Non zami en peut pas perdre.